Hey, bienvenue à tous et à toutes dans ce tout nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Comment ça va? Hey, ça va. Salut. Podcast complètement exceptionnel puisque déjà à distance. Exceptionnel aussi parce que nous sommes quatre. Oui. Il y a donc Riley est là. Comment ça va, Riley? Coucou. Ça va très bien. Très content de faire ce podcast improvisé. En plus en live, il y a déjà plein de monde. C'est génial. Il y a Mallory aussi qui est avec nous. Eh ben moi je suis trop contente pareil de faire un podcast improvisé qui change un peu du format habituel. Donc trop cool. Et on a aussi Big Game. Comment ça va, Big Game? Bonjour, bonsoir, bonjour. Je suis parfaitement enjaillé. Je suis content de vous rejoindre l'équipe pour ce podcast totalement exceptionnel. Et Big Game, on avait besoin de toi vu que ce podcast est aussi exceptionnel parce que c'est un podcast actu. Ce soir, pas de commentaires d'épisode. On va parler uniquement de l'actu. Quoique, on va peut-être commenter un petit peu un épisode, on va voir. Et donc, on avait besoin que tu sois là, toi, le spécialiste de l'actu Buffy. Tout à fait, c'est un honneur. C'est une rubrique que j'anime toujours avec grand plaisir. Et puis, comme tu le dis, c'est un podcast un peu spécial, grosse rubrique actu. Eh bien oui, alors commençons tout de suite. Alors il y a le chat, hein, comme je vous l'ai dit avant que l'enregistrement soit lancé. On va dérouler ensemble plein de rubriques, plein d'annonces. Hein, vous connaissez les plus importantes hein, sur l'actu de Buffy. N'hésitez pas à réagir hein, si vous avez aussi votre avis à donner. On commence avec la nouvelle la plus triste et la plus récente, mais qu'on se doit d'aborder. C'est la disparition de Nick Brandon, donc le comédien. Vous avez adoré dans le rôle de Xander, de Alex Harris. Et là, il nous a quittés à l'âge de 54 ans. Ça fait drôle. Alors, la série a déjà été, hélas, très souvent endeuillée, parce que c'est une série qui commence à dater maintenant. Donc, forcément, ça arrive, des comédiens et comédiennes qui nous quittent. Mais là, c'est vrai que... Il n'y a pas longtemps. Hein. C'est ça. Et bien là, c'est vrai qu'en plus, c'est un comédien qu'on a connu pendant les 7 saisons de la série. Donc ça nous touche particulièrement. Et puis, il était jeune, 54 ans. Mais c'est comme Michel aussi, il était jeune, 54 ans. Là, c'est les plus jeunes qui partent les premiers. Et c'est Michel, c'était il y a à peu près un an. Hein. Vraiment, il y a à quelques semaines près, je crois. Hein. Comment vous avez réagi à cette annonce, qu'est-ce que ça vous a fait? Je me permets de commencer parce que je vais vous raconter comment j'ai eu la news. Je me suis réveillé très tôt ce jour-là. Je fais comme un brave esclave des réseaux sociaux et je me connecte à Instagram et là, bim, le premier truc qui pop, c'est la nouvelle concernant Nick Brandon, et puis ça m'a fait tout drôle. Je suis allé dans la cuisine et puis j'ai commencé à réfléchir et puis j'avais honnêtement les larmes aux yeux. Je m'attendais pas, mais j'avais les larmes aux yeux, oui. Ouais, on s'y attendait pas, ça faisait drôle. Même si alors donc on s'y attendait pas, C'est inattendu. Sans dire trop, c'est inattendu, mais il avait quand même Il avait des problèmes de santé. Gros problème de santé. Problème aussi avec la justice. Enfin, il avait une vie compliquée depuis la fin de la série quand même. C'est ça, comme nous dit Moon Hill, il allait mal depuis un petit moment. Il a eu des problèmes d'addiction à différentes substances. Il avait révélé des traumatismes d'enfance aussi. Il avait été abusé dans sa jeunesse. Il y avait beaucoup de choses, évidemment des histoires de violence aussi, de violence conjugale notamment. Il avait des problèmes avec la justice à cause de ça. Enfin, une vie très mouvementée. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de cette annonce, c'est que, en fait, apparemment, pendant tout son passage sur Buffy, apparemment, sa vie, ça se passait bien. C'était vraiment l'amuseur du plateau. Il faisait rire tout le monde l'aimait. Et quand Buffy s'est arrêté, c'est comme on a l'impression que tous ces traumas sont revenus le hanter et qu'après ça a été un petit peu plus compliqué pour lui après Buffy. Il a pas su rebondir entre guillemets comme les autres comédiens de la série en fait. Le tournage ça le maintenait dans quelque chose je pense donc. Tout à fait, il avait un cadre. Lui-même. Ouais c'est ça. Exactement. Mais après on avait la chance de le voir encore en convention. N'est-ce pas? On l'a rencontré, oui, plusieurs fois. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on l'a même vu à la dernière convention française, en tout cas, à laquelle il s'était rendu. Oui. C'était en 2019. Et sans trop en dire, il était pas super en forme non plus à cette convention. Quoi. Ouais, oui, c'était compliqué. Il faut retenir le personnage surtout. Enfin, moi, j'ai envie de retenir Xander et puis. C'est ça. Et puis voilà, il a compté pour nous. Et il compte toujours. Bah, pour c'est... Oui, mais c'est naturel. De toute façon, c'est normal d'être triste. C'est une figure qui nous a suivi quand même toute notre vie et tout. Ça veut pas dire qu'après on oublie tout ce qui s'est passé derrière, mais ça reste triste déjà parce que c'est quelqu'un qui est décédé, et il laisse des personnes malheureuses aussi derrière lui. Et on le voit bien dans les témoignages, je pense, du cast de Buffy. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup reparlé de comment il était à l'époque de Buffy et qui ont mais laissé entendre. Sur le chat, il parle du rocking chair aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup ce truc de dire, bon, on sait qu'il avait fait de mauvaises choses, mais il se rappelle aussi de la personne qu'ils ont connue à l'époque, quoi. Donc c'est un peu. C'est quelque chose qui se termine, quoi, et qui se termine brutalement et trop tôt, on va dire. Oui. Et toi, Sartman, tu m'as souvent dit que c'était un de tes personnages préférés, Xander. Ben oui, mais voilà, c'est ça. Effectivement, j'étais un petit peu affecté, effectivement, à l'annonce du décès du comédien, parce que même si voilà, la série est vieille, en plus, ben, surtout c'est lié à cette actu aussi de la nouvelle série. Si un jour, on va en parler par la suite, mais si un jour il y a une nouvelle série, on se dit bah, peut-être qu'on peut éventuellement revoir le personnage de Xander, que moi j'adore et tout. Bon ben voilà, là il n'y a plus de doute possible, même si on avait un infime espoir de revoir Xander. Bon ben là c'est terminé parce que son interprète s'en va. Et moi ouais, je voulais aussi, si on veut aller dans les petites histoires aussi, par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais David Boreanaz, donc l'interprète de Angel, était un petit peu en froid avec lui depuis quelques années, lié à toutes les histoires qu'on vient d'évoquer, ou à d'autres qu'on ne sait pas. Mais malgré ça, il a quand même fait un petit message. Sur les réseaux, alors on peut y voir de l'hypocrisie, mais aussi on peut y voir, comme vous dites, se rappeler de la personne qu'il était à l'époque où ils étaient amis, parce qu'ils étaient vraiment amis sur le tournage tous les deux, et je trouve ça mignon de se rappeler d'une personne, même si c'est une personne qui a fait des mauvaises choses, d'essayer de se rappeler les bons moments, quoi. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a existé dans leur vie, donc même si aujourd'hui... c'est quelqu'un avec qui ils voulaient plus forcément avoir à faire quoi que ce soit. À une époque de leur vie, c'est quelqu'un qui a été important. Et quand ces personnes, elles disparaissent, ben, c'est ces choses-là qui remontent, en fait, au final. Et moi, il y a une personne, justement, qui n'était pas directement une co-star, de qui j'aurais été relativement curieux, on va dire, d'avoir des nouvelles. Et c'est là que je rebondis aussi un petit peu sur ce que tu as dit, Sartman, quand tu dis que on ne pourrait plus voir Xander. C'est pas tout à fait juste, hein, puisqu'il y a une forme de parade. C'est Kelly Donovan, son frère jumeau. Le jumeau. Ouais, c'est Mooney Hill qui demandait des nouvelles de son jumeau sur le chat. Ouais. Il s'est pas exprimé. Non, il s'est pas exprimé, publiquement, pas à ma connaissance, en tout cas. Mmh. Ouais. Après, c'est peut-être normal aussi, parce que c'est certainement une des personnes qui était la plus proche de lui. C'est rigolo que tu notes ça. Le frère jumeau pourrait reprendre le rôle, ça serait complètement fou. Bah, là, on parle d'un univers parallèle, hein, complètement, ça serait... Bah, bon, déjà qu'il y ait une série qui fonctionne, qui ne soit pas annulée au bout de... C'est ça, voilà. Il faudrait commencer par là, c'est vrai. Après, les détails... Parce que, donc, sauf si vous avez d'autres choses à ajouter sur la disparition de Nick, on peut aller sur le deuxième sujet, si vous êtes d'accord. Allez, c'est parti. Parce que voilà, donc on ne pouvait pas passer à côté de l'évocation de la disparition de Nick Brandon, mais avant tout, on avait décidé de faire ce podcast hors série consacré à l'actu, à cause de l'annonce de l'annulation donc du projet de nouvelle série Buffy. Et ouais. Donc on va reprendre les choses depuis le début pour celles et ceux qui étaient peut-être passés à côté. Est-ce que quelqu'un veut s'en charger ou est-ce que... Bah, c'est les gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une nouvelle série en préparation, je sais pas où ils étaient, parce que même le grand public savait qu'il y avait... Le grand public, c'est-à-dire les gens qui ne suivent pas l'actualité, qui sont pas spécialement fans de la série, savaient qu'il allait y avoir un reboot ou un... C'est totalement vrai. Pour la petite anecdote, moi au boulot, un jour, enfin quand la news était tombée qu'il allait y avoir une nouvelle série, au boulot, quelqu'un qui travaille totalement en extérieur est venu un jour me voir. Ouais, t'es fan de Buffy, toi, non? Ouais, t'as vu, on va faire une nouvelle série Sarah-Michel Gellar, tu crois pas qu'elle est trop vieille, Oh la vache. Tout ça, mais, oh, mais... Oh, mais bon, mais... L'imitation de ton collègue, il sera ravi, je pense. Et donc, bon, on reprend, parce que ça fait un projet, ouais, qui date de un petit moment quand même là, c'était annoncé. Un petit moment, et c'est en 2024, je crois, si je ne m'abuse, qu'on a appris qu'officiellement c'était en chantier. Et on a su aussi l'été dernier, donc un pilote était tourné, réalisé par Chloé Zhao. Chloé Zhao, qui veut nous en parler, c'est une réalisatrice oscarisée, pardon, c'est pas n'importe qui. Et récemment oscarisée, tout à fait. Chloé Zhao, donc, c'est une réalisatrice plutôt même carrément de films d'auteur, en fait. Depuis les années 2010, il me semble, elle a fait 4 ou 5 longs métrages et elle a gagné un Oscar pour son dernier film Hamnet, donc qui parle de la vie de Shakespeare, la vie fantasmée de Shakespeare. Je crois que c'est pas vraiment inspiré de sa vie réelle. Et elle était aussi sortie du film d'auteur, parce que c'est là qu'elle était vraiment, son nom a tourné à Hollywood pour un film Marvel, figurez-vous, Les Éternels, qui est donc adapté des personnages Marvel assez obscurs, plutôt en tout cas de pas qui n'était pas aussi connu que Spider-Man et les autres, évidemment. Et film qui avait fait débat aussi déjà à l'époque parmi les fans de Marvel, parce que ça sortait des codes un peu mis en place par les différents films Marvel. Il y avait ce côté autorisant un peu avec des... beaucoup de contemplatifs, ce genre de choses, de plans contemplatifs. Ce qui n'a pas plu à tout le monde. Je crois que Big Game, toi tu l'as vu aussi, Les Éternels? Je ne sais plus. Quoi? Pardon, je me suis endormi. T'as dû dire quelque chose qui m'a endormi. Je suis désolé. C'est intéressant, Big Game, parce que toi, tu n'aimes pas la réalisatrice Chloé Zhao, c'est ça? Il s'est endormi encore. C'est endormi. Ah pardon, non, c'est oui, ça doit être le nom. Non, effectivement, j'aime pas ce que fait Chloé Zhao. Alors moi j'ai vu Les Éternels et j'ai trouvé ça d'un mauvais. Honnêtement, c'est le film le plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. Ah ouais. Les Éternels. Ouais, oui. Moi je me suis endormi devant. Hein. Vraiment, je me suis endormi. Ouais, c'est un film un peu particulier. Moi j'ai trouvé qu'il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que ça. Mais c'est quand même une réalisatrice réputée, hein. Non, c'est pas nul, pas du tout. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça nul. Alors, qu'est-ce qui est pas nul? Les Éternels? Oui. On va pas passer à 1000 ans sur Les Éternels, les gars, si. Ouais, s'il vous plaît. On va pas passer une éternité sur le sujet. Éternellement. Non, parce qu'elle c'était une réalisatrice. C'est une réalisatrice quand même oscarisée, comme on l'a dit. Elle a gagné des prix importants. Je crois qu'elle a gagné à Venise ou Berlin, hein, à Venise, pour son film Nomadland. Elle a quand même des Oscars aussi pour. Des Oscars aussi. Elle a la cote à Hollywood, donc c'est pas non plus déconnant qu'on vienne la chercher pour une nouvelle série. Attendu. Et voilà, et surtout elle est fan de Buffy, donc elle était ravie d'être sur le projet. Donc autour de ce projet, donc il y avait également les sœurs Zuckerman, Nora et Lila, à l'écriture. Moi je connais pas trop leur carrière, mais j'ai lu donc qu'elles ont bossé sur Agent of Shield, donc pour rester un petit peu dans la famille, dans l'univers Whedon. Ouais. Également il y avait donc Sarah-Michelle Gellar, c'était ça aussi la grosse nouveauté par rapport à toutes les rumeurs de nouvelles séries qui avaient circulé depuis des années. Là, Sarah annonçait qu'elle était dans l'équipe, qu'elle reprendrait son rôle de Buffy, et surtout qu'elle était productrice. Elle y croyait vraiment à ce projet. C'est ça. Et donc, on a ce quatuor qui se lance dans l'élaboration d'une série, et comme je disais, qui tourne un pilote cet été. Des images, même fuites. Hein. Vous aviez vu ces images de tournage? Yes. Ouais. Absolument. Dans sa belle tenue rose fuchsia. Et en tout cas, ouais, on voyait plein d'images. Je suis pas sûr. Ils avaient annoncé ça comme des fuites, mais j'ai l'impression que c'était un peu fake. Enfin, genre, c'était volontaire de la production de laisser sortir des images, je trouve. Je sais pas si c'était vraiment des figurants. Ouais, si c'était des figurants qui volaient des images comme ça, j'ai l'impression que c'était un peu mis en scène pour faire de la com, hein, tout simplement. Ça sert toujours les projets, en vrai. Hein. Les photos qui fuitent, ça fait monter la hype. Surtout sur des projets aussi, parce que tout le monde se demandait en tout cas à quoi ça va ressembler cette nouvelle série. Quoi. Et donc il y a quelques mois, je crois, on nous avait parlé d'une sortie en 2026. On nous disait la série sortira en 2026. Donc ça c'était fin 2025, on nous dit ça. Et après il y avait eu d'autres rumeurs au début de l'année 2026, donc qui disaient finalement ce sera en deux fois, il y aurait deux saisons, ça serait fin 2026, voilà. 2027 même, ça a annoncé à un moment donné. Ah oui, il y avait eu du 2027. Repousser le projet. Ah bah là, c'était fixé pour le premier trimestre 2027. Alors, ça m'aurait pas étonné qu'il fixait ça genre pour le 10 mars 2027. En hommage à la première saison, tu veux dire ? Ouais. Bah, c'est le Buffy Day, quoi. Hein. C'est le premier épisode était le 10 mars 1997. Qui faisait déjà très longtemps après un pilote tourné, je le rappelle, en été 2025. Donc, tu sentais que sur ces projets-là, plus le temps passe, moins c'est bon signe, en fait. Parce, bah ouais, c'est ça déjà. Les gens sont pas d'accord. Tu sentais des signes que ça allait, que ça partait un peu en sucette évidemment. Et donc coup de tonnerre, il y a quoi ? Il y a 2 semaines, hein. J'ai même plus la date en tête. Ouais, à peu près, ouais. Sarah Michelle Gellar elle-même publie une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle annonce que Hulu annule la nouvelle série. Elle donne sans trop donner de détails. On aura les détails après. Est-ce que vous rappelez de cette vidéo ? Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça ? Pour le coup, c'était un soir. Émilie était en train de faire à manger, voilà, pour tout vous dire. Je me souviens des détails. Et puis, oui, c'est marquant comme événement. Mais oui. Je sors le portable comme ça et puis je fais « Oh merde ». Vraiment, c'était ma première réaction, c'est « Oh merde ». Puis elle me demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Ouais, voilà, le nouveau pilote, il est annulé. » Voilà, ensuite j'ai regardé la vidéo de Sarah et puis ouais effectivement je me suis surpris à dire oh merde constatant que en fait j'avais vraiment envie de voir ça. Et ça Mallory, comment t'as senti toi aussi t'avais envie de le voir finalement cette nouvelle série, t'avais envie de la voir? Bah moi je pensais que j'avais pas spécialement envie de la voir jusqu'à ce qu'elle soit annulée et où je me suis rendu compte que j'étais vraiment déçue que c'était annulé. Voilà. Ouais voilà, c'est un peu le ressenti que j'avais. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça restait quand même tu vois, le fait qu'elle soit faite, je gardais le choix de la voir ou de pas la voir, et si j'avais décidé que je voulais la voir, et ben je la regardais. Là de savoir que ça se faisait pas du tout, j'ai quand même eu un petit pincement au cœur et c'est vrai que ça m'a fait de la peine aussi pour Sarah parce qu'elle avait l'air tellement déçue dans sa vidéo et ça avait l'air vraiment de l'affecter. Oui. Du coup ouais ça m'a vraiment fait de la peine. Ouais, là, t'as raison, hein, la vidéo est assez touchante en plus. Et puis elle a assumé, entre guillemets, elle a pris ses responsabilités, quoi. Elle a parlé, elle, sur son compte perso de la série. Ouais, elle a pas laissé des journalistes balancer des rumeurs ou autres dans des articles. Oui, non, c'était comme une très bonne chose. Oui, Et la petite Ryan K. Armstrong aussi, hein, elle a aussi ouais, la pauvre. Une petite vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, mais elle était en... Donc c'était la comédienne qui jouait la nouvelle chose. Oui. Parce que je me rappelle, elle avait posté sa réaction quand elle lui annonce que c'est elle qui va jouer la prochaine tueuse dans le reboot, elle était super super émue. Oui. Du coup, ça a dû être dur pour elle. En vrai, de l'apprendre. Donc voilà, on a cette annonce. On est, moi, je exactement comme vous, quoi. Je m'étais fait au projet. J'étais pas forcément partant au départ, mais finalement, je m'étais dit bon, allez, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc un peu déçu que ça tombe à l'eau. Et petit à petit, on a commencé à avoir d'autres informations pourquoi ça ne se fait pas. Il y a d'abord eu Sarah a donné une interview pour un site ou un magazine, je sais pas, qui s'appelle People, où là il y avait 2-3 infos sur notamment la rudesse de la manière dont ça s'est passé, parce que donc on la prévient, elle et Chloé Zhao, Sarah on la prévient alors qu'elle est en pleine promo d'un film avant qu'elle monte sur scène. Chloé Zhao est prévenue avant d'aller à la cérémonie des Oscars, donc voilà, le timing est ultra mal choisi, enfin vraiment fait pour très bâtard. Mettre les gens mal à l'aise, quoi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre lors de cette interview Ah bah oui, c'est là aussi qu'on a appris l'existence d'un fameux exécutif qui n'était pas à fond sur le projet. Qui veut nous parler de ce monsieur ? Donc apparemment, c'était un gars qui... donc producteur exécutif. Hein. Il se vantait non seulement... d'après les dires de Sarah en tout cas, qui se vantait non seulement de ne pas avoir vu la série, ou du moins pas en entier, peut-être quelques épisodes par-ci par-là, et surtout qui se vantait de dire que pratiquement qu'il aimait pas, quoi, que c'était pas son truc. Et moi c'est un truc qui me dépasse en fait. Pourquoi ce gars il est dans le projet à la base, si ça l'intéresse pas. C'est Hollywood, enfin je sais pas. Et c'est le travail, ça me... C'est son travail, ouais, je suis d'accord. Taf, ça marche pas comme ça, mais... Ouais, et le gars, on lui dit, tu bosses pour telle chaîne, tu dois t'occuper de telle série, c'est pas pour autant qu'il va se faire l'effort d'aller regarder toute la série, ouais. De se battre pour le projet, c'est pas obligatoire. Il y a quand même une marge entre ne pas connaître la série et savoir la vendre, et te vanter de ne pas l'avoir vue. C'est là aussi où il y a un flou, c'est est-ce qu'il l'a pas vue, mais ça l'empêche pas de bien faire son taf. Peu importe, exactement. Tu vois, du moment qu'il fait bien son taf, ou est-ce que effectivement il a pas vu et il était plutôt en mode moi je l'ai pas vu, de toute façon votre série c'est de la merde et je suis bien content de pas l'avoir vu quoi. Et puis est-ce qu'il était là au début en 2024 là quand il balance le projet, ou est-ce que c'était déjà lui en poste qui a tout validé et puis qui fait machine arrière 2 ans après? Pas sûr en fait, est-ce que la série Chloé Zhao et Sarah Michel Gellar, elles sont fait valider la série par quelqu'un d'autre qui n'était plus présent? Ça marche beaucoup comme ça aussi les productions audiovisuelles, il y a un turnover entre les producteurs, enfin tout le staff change beaucoup, donc c'est pas totalement de son fait à ce gars, je pense. C'est juste qu'il est un peu bouc émissaire là, mais ouais. Bah ça, parce que quand tu bosses dans une boîte de production, tu bosses pour une boîte, mais tu bosses sur les projets sur lesquels on te met. Il n'y a pas de ah t'es fan de tel projet, et ben on va te mettre sur tel projet. Non, tu bosses pour une boîte de production. Il y a le remake de la série Buffy, enfin le reboot, le remake, la suite de la série Buffy qui est en cours. Tu bosses dessus, que tu l'aies vu, que tu l'aies pas vu, tout le monde s'en fout. C'est pas le ouais, c'est pas le sujet, en fait, je suis quand même mitigé, hein, parce que moi je vois ça d'un point de vue commercial, et je me dis voilà, moi je suis un grand patron, d'accord, et puis je vais mettre quelqu'un sur le coup pour vendre un nouveau projet, mais moi je vais mettre quelqu'un sur le coup qui est convaincu du produit, parce que sinon s'il l'est pas, il va pas bien faire son travail. Sur le chat, il y a beaucoup de réactions autour de cet producteur exécutif, qui est Mounil, qui dit que c'est un mascu. Ouais, effectivement, il y a aussi ça dans l'article de Variety qui est mis en avant, que peut-être parce que tout simplement il n'aimait pas le projet aussi, parce que c'était un peu trop féministe. On met beaucoup de choses sur ce gars, je sais pas s'il a parlé lui concrètement, est-ce qu'il s'est exprimé ou c'est. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on connaît tous le message qui est derrière la série Buffy, et la nouvelle. Série soit portée uniquement par des femmes et se fasse annuler au dernier moment par juste un seul gars. C'est effrayant, les séries comme Buffy on en a encore besoin aujourd'hui plus que jamais parce qu'il se passe des choses comme ça. Après effectivement il y a plein de détails qu'on connaît pas. Oui, le vrai responsable, c'est la chaîne en réalité. Hein. C'est Hulu qui dit oui à un projet, et puis quand elle le voit, dit non. Quoi. C'est pas le producteur exécutif qui va pouvoir dire on annule cette série après. Hein. Il y a Canis qui dit qu'il balance le pilote, qu'on constate la hype et qu'il relance le show. Ouais, on aimerait bien voir. On aimerait bien voir le pilote, c'est clair. Même si, alors attendez, parce que Sarah, elle s'est exprimée là-dessus. Donc là, bientôt, on va parler aussi du script qui a fuité. Mais ça, le script et le pilote, selon elle, elle veut pas que les fans voient ou lisent tout ça. Parce que selon elle, un pilote, c'est un outil. Elle le dit, c'est un outil de travail. Un pilote n'est jamais parfait, et là elle se réfère au premier pilote de la première série Buffy, le fameux Unaired pilote qu'on a commenté d'ailleurs, qui est disponible partout, et effectivement qui avait plein de petites différences par rapport au vrai premier épisode de la série. Donc selon Sarah, là c'est pas du tout bien ce qu'on va faire, parce que selon Sarah il ne faut pas voir ce pilote et il ne faut pas en parler. Mais nous, on aime tellement la série qu'on peut pas s'en empêcher. On veut voir les choses. Pardon de faire l'avocat du diable, mais si était vraiment bien ce pilote, pourquoi Sarah, elle dirait pas, mais il faut absolument que vous le voyez, que tout le monde le voit. Parce qu'elle veut pas que les gens se fassent une opinion sur un produit qui est pas vraiment fini. Je peux comprendre, parce que après, tu sais, les pilotes, tout le monde a pas conscience. Nous, on en a peut-être conscience parce qu'on est aussi issus de l'audiovisuel, mais il y a plein de gens qui peuvent voir un pilote et penser que c'est ça qui allait être diffusé à la télé et dire, ah oui, c'était vraiment nul. Tu vois, donc je pense qu'elle veut aussi protéger ce truc de se dire, bon, je préfère que ça fuite pas et que les gens se fassent pas un avis définitif sur ce que ça aurait été, alors que ça aurait probablement été très différent. De ça. Il y a sûrement aussi qu'elles ont encore l'espoir de, comme elle dit dans son message d'ailleurs sur Instagram, de relancer la série ailleurs, et donc peut-être effectivement par contrat ou autre, elles n'ont pas le droit de montrer les images, tout simplement. C'est très bien son discours de ça, c'était pas fini, faut pas le voir, tout ça. Moi je pense que t'embauches pas une réalisatrice oscarisée pour faire un truc pas terrible, quoi. Enfin, tu veux c'est clair. Tout mettre dans ton pilote. je vois les choses oui, ça, je suis comme d'accord. Ça, mais je me trompe peut-être. Hein, mais alors, où est-ce qu'on en est? Donc là, ah oui, voilà. On apprend aussi dans les détails hein, sur l'annulation, parce que donc comme on le dit, on ne sait pas exactement. Je pense pas que tout le monde est blanc ou noir dans cette histoire, parce que en fait, si ça a duré aussi longtemps, c'est qu'il y a eu des débats entre les créateurs et créatrices de cette série, donc surtout les créatrices. Il y a dû avoir des débats entre les créatrices et la chaîne, comme il y a des débats dans un autre domaine d'entrepreneuriat, en fait. Quand tu as un client, donc le client, c'est la chaîne, et un producteur ou un artisan qui fait un produit, et ben il y a des débats sur combien ça va coûter, qu'est-ce que je lui mets dans le produit, ah ben non, c'est déjà, j'ai pas envie. Enfin voilà, là, faut pas oublier que la chaîne est le client. C'est la chaîne qui paye, donc la chaîne négocie avec l'artisan ce qu'elle va acheter. Et donc on imagine que ça n'a pas marché. On a eu donc parmi les infos qu'on a eues, on a appris que Hulu donc avait vu le pilote et n'était pas complètement satisfait. Il voulait aussi des réécritures. Parmi les réflexions qu'il y avait, c'est donner plus de place au personnage de Buffy, parce que on va en parler, mais parce que dans le script qui a fuité, donc qui n'est pas forcément le script qui a été tourné cet été, mais c'est la seule base qu'on a, mais qui doit y ressembler, parce que le truc de Vampire Weekend, tout ça, c'était déjà dans le script qui a fuité, oui. Et c'est sur les images qui ont fuité cet été, donc le pilote oui. Tourné autour de ce concept de Vampire Weekend. Oui, dans l'ensemble, il y a la tramier. Voilà, c'est ça. Donc Hulu voulait qu'il y ait plus de place donnée au personnage de Buffy, alors qu'effectivement, d'après ce qu'on sait, ce qui avait été décidé dans un premier temps, c'est de l'avoir uniquement à la fin. La chaîne aussi voulait plus que la série soit plus mature, un peu moins. Il jugeait la série trop jeune, enfin le projet trop jeune, parce qu'effectivement, il était centré sur des personnages, sur des lycéens pourtant, mais sur des lycéens très jeunes. Et puis c'est vrai que l'actrice principale. Le casting, qui a été choisie. Même l'ensemble du casting hein, est très jeune. Mais oui, pour le coup, j'ai même pas vu les autres. Mais oui, ils ont pourtant l'âge que devrait avoir leur personnage. Mais par rapport aux séries des années 90 où tu castais des personnes de 20-25 ans pour jouer des ados, et ben là, ça marche pas exactement pareil. Ils ont l'air plus jeunes. Hulu demandait aussi un vieillissement un petit peu, plus de maturité au niveau du casting, au moins des personnages, quoi, des enjeux, quoi. Et donc, on passe au scénario alors. Et ben, je pense qu'il faut passer au scénario. Puisqu'il y a un scénario qui a leaké sur les internets. Sûrement, voilà. Les gens sur le chat l'ont déjà tous lu. Et nous l'avons lu dans son intégralité. Donc oui, il faut le préciser, c'est pas le scénario, a priori, du pilote qui a été donné à la chaîne. Qui a été tourné, donné à la chaîne. C'est une version avant du pilote. Oui, donc, oui, c'est une version travaillée depuis, oui. Ouais, qui date de fin 2024. Et donc, comme on l'a répété plusieurs fois, le pilote a été tourné à l'été 2025. Mais comme j'ai dit, comme de ce qui a fuité, les quelques images qui ont fuité correspondent à ce qu'on lit dans le scénario, on peut imaginer que le scénario a juste été remanié avant le tournage, mais n'a pas été totalement modifié. Évidemment. Tout à fait. Donc, on vous propose, hein, le chat, si ça vous dit, qu'on vous déroule hein, scène par scène, enfin, peut-être pas scène par scène, mais au moins acte par acte. Ça va être long. Ce possible premier épisode de Buffy New Sunnydale, qu'on ne verra peut-être jamais, mais que nous, en tant que fans, on a hâte de décortiquer et d'analyser ensemble. Est-ce que ça vous branche? Le chat, mais aussi mes collègues, là, ça vous... Ça vous... Moi, ça me branche. Surtout que moi, j'étais... Tu vas pas demander mon avis, Sartman, mais moi, j'étais pas du tout chaud. En vrai, j'étais pas très chaud pour ce reboot, remake, requel. Je trouve que c'était, depuis le départ, une mauvaise idée. Et j'ai pas été surpris par l'annulation. Et alors, en lisant le scénario, je me suis dit, merde, en fait, ça pouvait être bien, parce que j'ai bien aimé ce scénario. Donc, Dommage. C'est dommage. Mais passons au gros morceau, donc. Absolument. Le scénario. Oui, passons au scénario. Donc, alors, il a fuité, il est trouvable partout sur Internet. Hein. Ça s'appelle Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale, pilote, écrit par Nora Zuckerman et Lila Zuckerman. Donc, daté du 31 octobre 2024. Comment on fait? On va faire acte par acte ou scène par scène? Déjà, la première scène, si, il faut qu'on parle de la première scène. Parce que moi j'ai pas aimé hein, cette première scène. Je sais pas vous, mais. C'est ce que tu avais dit. Ouais. Il y a une sorte de fausse piste. Ouais, c'est, ouais. Ça joue un peu comme le premier épisode de Buffy original, du coup, avec l'étudiante, enfin la lycéenne, en plus en uniforme, qui va se faire attaquer. Et en fait, pas du tout. On est dans une maison hantée pour le Vampire Weekend. Quoi. On est dans une attraction, exactement. On est. Alors, vous vous rappelez de la première scène de Buffy, la série originale, donc avec un couple qui rentre dans le lycée. Le gars est un peu entreprenant et essaye de faire peur à la fille. Et finalement, c'est la fille qui se. Qui est la vampire. Et la vampire et qui tue le monsieur. Ah, un twist incroyable, tout le concept de la série est là. Et là, donc c'est, comme tu dis, une jeune fille qui se balade dans un couloir, le couloir d'un lycée, et soudain, un vampire sort du casier, hein, je crois, du lycée, il saute dessus, et elle l'attaque, elle se met à le taper, et on se rend compte que c'est un pauvre comédien d'une attraction, quoi, en fait, un peu un truc de fête foraine, quoi. Pardon de te couper, Starman, mais les gens se plaignent parce que tu n'as pas dit taupe. Ouais, ça devient n'importe quoi ce podcast. C'est vrai que c'est un hors-série, mais t'es pas obligé de dire taupe, mais peut-être qu'il faudrait que tu le dises, quoi. Allez, taupe, c'est parti. Il a dit taupe. Moi, je profite de cette intervention pour dire justement que faut savoir que ça, c'est un exercice tout nouveau pour moi, dans le sens où, avant celui-là, je n'avais jamais lu de script d'épisode. Jamais. C'est la toute première fois. Ouais. Et bizarrement, j'ai réussi à bien me mettre dedans. Et alors peut-être aussi le fait qu'on avait des visages déjà par rapport au cast annoncé, ça m'a permis vraiment de visualiser un petit peu l'épisode dans ma tête. C'est marrant, je suis allé chercher justement sur IMDb les visages en lisant pour faire une idée. Parce que je jouais avec le personnage principal, mais. Oui, Ryan Keir Armstrong, je la voyais vraiment bien du coup dans le rôle. Ouais. Pour moi, ça marchait. Et pour moi, cette première scène marche. C'est quoi, toi, Sartman, qu'est-ce que t'as pas aimé vraiment problème. Alors, je vais être à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, en fait. Merde, oh, le Normand. Oui, elle marche, mais en fait, et ça va être aussi mon avis sur tout le reste de l'épisode, c'est que ça va pas dans la direction que je souhaite. En fait, ça devient du méta Buffy, en fait. Ouais. Ça va être le cas pendant tout. Et voilà, et effectivement, elle marche parce qu'elle donne aussi une direction à la série, elle donne un concept. Et sauf que moi, le concept, je le déteste. Je suis contre cette. C'est une mode, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps maintenant. Et c'est trop facile, je trouve que c'est feignant. Et c'est trop c'est faire du fan service pour moi, c'est profiter de quelque chose qui existe déjà et te le remâcher. Et là où j'entends, c'est du méta Buffy, c'est-à-dire qu'on va essayer de projeter des personnages dans l'univers de Buffy où ils connaissent Buffy, connaissent les codes. Enfin, Terry qui parle elle-même de son propre contenu, quoi. Enfin, ils connaissent pas Buffy. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais oui. Si, Buffy est un mythe, c'est la phrase existe dans le scénario. Buffy est un mythe. Ils veulent pas l'imiter, c'est justement les gens n'y croient pas. C'est pas par rapport aux gens à l'intérieur, c'est par rapport à ce que ça renvoie de la série, de tous les discours méta qu'il y a dans, notamment dans tous les cinématiques univers où chaque Marvel se cite les uns les autres pour faire du. Moi je trouve qu'elle fonctionne, la première scène aussi, je l'ai bien aimée, mais je vois ce que tu veux dire par contre. Sartman là-dessus, où oui, on passe son temps à nous dire, vous vous rappelez, il y a Buffy qui a existé là avant eux, il y avait les personnages qu'on connaissait déjà, quoi. Après, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Peut-être qu'ils auraient pris le contre-pied de ça dans la série, peut-être que ça, ils l'auraient fait pour le pilote et que petit à petit, ils se seraient émancipés de ce truc-là aussi. Enfin, tu vois, on ne sait pas non plus. Ouais, il y a tout un discours méta, comme tu dis, mais qui, moi, il m'a fait penser à Scream 2, oui, qui est plutôt bien fait dans le genre. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent un peu pareil. Du coup, je suis d'accord. C'était déçu, certainement, parce que moi, au contraire, il y a beaucoup de fanservice, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que c'était plutôt malin dans l'ensemble. C'était pas amené au forceps. Sauf excepté la première scène qui m'a pas plu non plus, effectivement. En faisant ça, on n'est jamais très loin de la parodie pour moi. À trop citer, à trop référencer les choses à des personnages ou des lieux ou des événements que le spectateur connaît, tu peux facilement tomber dans la parodie. Et Buffy, c'est pas. La substantifique moelle de Buffy, c'est que c'est pas une parodie, Buffy. Buffy, c'est du sérieux, quoi. Ouais, mais Buffy, c'était déjà une parodie, quand même, un peu Buffy à la base. C'est un trope qu'on existait. C'est juste qu'il a pas été traité de manière parodique. Mais c'est un trope, quand même, qui a été détourné. C'est pour ça que ce que dit Riley au sujet de Scream, c'est plutôt pertinent, je trouve, parce que Scream, c'est du génie et c'est un chef-d'œuvre, et pourtant ça part d'une parodie. Enfin, et pourtant c'est pas une parodie. Genre Scary Movie c'est une parodie, Scream c'est pas une parodie, et pourtant Scream c'est très parodique aussi. Tu vois, donc il y a une manière de faire de la parodie qui est certes, Buffy c'est pas une parodie, mais ça reprend quand même des tas de tropes qu'on connaît déjà tous pour les détourner de manière intelligente, tu vois. Alors moi j'entends tout ce que vous dites et je peux le comprendre, mais j'aimerais rebondir sur un terme qui a été utilisé maintenant deux fois, une fois par toi Riley, une fois par toi Sartman, et que je vois beaucoup, c'est le terme de fan service. J'ai envie d'en parler un petit peu parce que moi à chaque fois que je vois le terme fan service, je constate qu'il a cette forte tendance à être associé à quelque chose de péjoratif. Quand on dit fan service, c'est forcément mauvais à lire les gens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Ouais, parce que là, encore une fois, la frontière, elle est tenue entre fan service, parce que quand on emploie fan service, c'est parce que les clins d'œil sont trop lourds, en fait. Ils sont trop lourds, trop voyants, trop appuyés. Et par contre, ce qui peut plaire, moi, parce que moi aussi, je suis fan de plein de franchises, de plein de choses, ce qui peut me plaire, c'est quand le clin d'œil à une œuvre existante ou à un passé ou à un autre volet d'une franchise, quand ce clin d'œil est beaucoup plus subtil, en fait. Ça j'adore, ça, je suis client à fond, quand c'est juste un cadrage, quand c'est une posture, quand c'est un détail dans le cadre, j'adore ça. Il y a une différence entre fan service et référence, quoi. Voilà. Sur le principe, à la base, le fan service, c'est quelque chose de bien, quand même. Ouais, mais je pense que ces dernières années, en fait, j'en reviens toujours beaucoup à Marvel, parce que je trouve que Marvel a pourri beaucoup de manières de faire à Hollywood dans l'écriture de scénarios. Et le problème, c'est que c'est pas le fan service en lui-même, parce que je pense que le fan service, il a toujours existé, et c'est l'abus, en fait. Genre, les films ces dernières années, ils ont fait que ça, les gros films populaires, faire du fan service. Et du coup, les gens, ils ont été dégoûtés de ce truc-là, et c'est devenu juste un moyen de faire facilement venir des fans sur un public, dire regardez, on a parlé des trucs que vous aimez bien là. Et le problème, c'est que avant les références, c'était sincère, et maintenant c'est devenu un outil commercial, le fan service. C'est même plus sincère, c'est plus forcément des gens qui aiment réellement ce dont ils parlent qui vont faire du fan service. Oui, et puis ça prend le dessus sur l'histoire au final, c'est au détriment de l'histoire. Ouais, ok. Ouais, parce que donc ce qu'on n'a pas dit, mais voilà, le script qui a fuité est blindé de références, des références à Wesley, au livre de Giles, au Croix, enfin il y a un milliard de trucs. Alors après, ça peut se comprendre parce que ça se passe à New Solidel, donc on pitch un peu. Bah non, c'est Riley qui va nous pitcher. Pitch-nous ce scénario, Riley. Ah oui, parce que tu m'as pas demandé au début, mais j'ai préparé un petit pitch, bien sûr. Ah ouais, t'as préparé un pitch. Et oui, et puisque des années après la disparition de Sunnydale, souvenez-vous, dans un cratère, on ne sait pas qui a reconstruit la ville dans le cratère. Donc ils ont reconstruit New Sunnydale. Et apparemment, en lisant le scénario, il y a beaucoup de trucs très modernes, high-tech et tout. Le lycée est très moderne également. Et ça a été gentrifié. Il a été gentrifié, voilà, il y a des Tesla partout. Dans ce nouveau Sunnydale, une nouvelle tueuse va se réveiller, alors que pour tout le monde, Buffy et les vampires, ce sont des mythes. Il y a Nova, donc une jeune fille, une jeune adolescente qui vit seule avec son père cette fois, contrairement à Buffy qui vivait seule avec sa mère, qui va comprendre qu'elle a des pouvoirs et affronter les vampires. Et donc elle va créer autour d'elle un groupe d'amis qui va devenir le Scooby Gang à la fin de l'épisode. Voilà le pitch en gros. Et si, il y a des méchants vampires évidemment qui veulent revenir à New Sunnydale pour réveiller une armée de vampires. Bon, ça va très loin. Ouais. Et donc oui, parce que donc c'est des fameux promoteurs immobiliers qui ont reconstruit New Sunnydale, et on se doute que ces promoteurs, ils sont un peu louches, quoi. Moi du coup, ça m'a immédiatement fait, alors pardon, c'est pour ceux qui n'ont pas vu Angel, mais moi ça me fait tout de suite penser à Wolfram et Hart, une grande institution en fait qui est bien plus que ça et qui est maléfique. Et je pense que c'est un peu l'esprit là aussi qui est repris dans ce nouveau concept. Mais c'est vraiment en sous-texte, hein, parce que là la première menace, ce sont des vampires tout simplement qui se réveillent, on ne sait pas vraiment comment, et qui veulent faire revenir l'équivalent du maître à New Sunnydale. Le magister. Magister, il a pas. Alors, il y a Olia qui nous demande si la nouvelle série aurait pris en compte les BD. Pas du tout. Moi, je me tourne vers. Ah voilà, je me tourne vers Bigam qui a lu toutes les BD. Donc toi, oui. Non, selon toi, non. J'allais y venir tôt ou tard à un moment donné dans ce podcast, mais effectivement je m'étais fait la remarque en lisant le script, parce que j'étais aussi curieux de répondre par moi-même à cette question. Les comics, les bandes dessinées ne sont absolument pas prises en compte au point où en fait on est si vous voulez on bifurque sur une timeline totalement parallèle. C'est-à-dire que si on voulait intégrer les événements des comics de manière canon, ça fonctionnerait pas, ce serait incohérent de A à Z. Voilà, donc la série s'est arrêtée à la fin de la saison 7 et reprend donc avec New Sunnydale. Donc après cette première scène, donc Nova se réveille, elle a des visions, il y a des trucs, voilà. Et comme tu l'as dit, Riley, comme Buffy à l'époque. Exactement. Des trucs d'élu, quoi. Vraiment un gros parallèle qui est fait entre elle et Buffy, hein, complètement. Mais elle a pas l'air d'être au courant, hein, de ses pouvoirs. Ça, c'est bah, contrairement à Buffy qui savait qu'elle était tueuse. Nova ne le sait pas. Elle va au lycée, voilà, tranquille. Elle rencontre un premier personnage qui va s'avérer être membre de son Scooby Gang. J'ai l'impression, c'est Hugo. Hugo, bah, je l'ai vu. Ben, je l'ai vu comme un mix, ça c'est, je trouvais ça malin, ils ont mixé quand même deux personnages opposés. Willow et Xander. Ont... Ouais. Non, j'ai trouvé qu'ils avaient mixé Cordelia et Xander, moi. Non, je l'ai pas trouvé. Oui, avec son truc de vouloir être populaire. Ouais, je sais pas, moi je pense à Xander, il a envie d'être populaire aussi à ce moment-là. Ouais, mais pas de la même moi, manière. Moi, c'est-à-dire que comme toi, Sartman, j'y voyais le mélange de deux personnages, Xander, mais je m'interrogeais en fait... Qui est le deuxième personnage qu'ils ont mis là-dedans, parce que j'arrivais pas tout à fait à le palper, tu vois, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas mettre le doigt dessus. Ben pour moi c'est Cordelia, parce que plein de fric, il veut tout acheter avec son argent, son obsession dans la vie c'est être populaire, mais en même temps c'est un énorme geek et donc et loser parce qu'il est moqué par les autres, mecs du lycée, il arrive sauf quand il dit des trucs de beauf. Là, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, on aime bien, là. On peut juste arrêter aussi un peu vite, mais je trouve que la présentation de Nova, au-delà des visions, Nova qui nous est présentée comme la future nouvelle tueuse, est totalement différente de Buffy aussi. Ça, c'est, ouais. Je trouve que c'est plutôt malin d'avoir fait ça comme ça. Elle est introvertie, elle est plongée dans ses livres, elle est un peu à l'ancienne, entre guillemets. Elle est fan de Shakespeare. Enfin, c'est vraiment, elle est présentée comme pas du tout comme Buffy. Et à tel point, elle, pour le coup, c'est son père qui l'élève et pas sa mère. Et elle a beaucoup déménagé. Elle a pas de passif comme Buffy pouvait avoir, criminel entre guillemets. Ouais. Ça a l'air d'être une gentille lycéenne, intello, qui fait pas de vagues, quoi. C'est malin de pas avoir fait de Buffy bis. On arrive à la fin de l'acte 1 et là il y a des vampires qui sortent d'un tas de sable, enfin d'un truc de sable de golf, hein, si j'ai bien compris, c'est ça, hein. Oui, c'est un bunker de golf. Oui, un bunker de golf, ouais, je cherchais le mot. Et il tue quelqu'un, je crois, non? Ouais, non, il tue une jeune femme, c'est ça. Stacy, d'ailleurs, c'est Stacy, oui, j'ai noté. Et donc voilà, fin de l'acte 1, hein, comme dans un bon épisode de Buffy, le méchant de la semaine est dévoilé. Voilà, on le sent. T'es sûr que c'est la fin? Je suis pas sûr que ce soit la fin de l'acte 1, moi justement je trouve que c'est arrivé un peu tard. Parce qu'à la fin de l'acte 1, il y a la construction, il y a un site de construction, parce qu'il y a tout aussi une intrigue parallèle avec la construction sur un site, la reconstruction de Sunnydale tout simplement. Et justement, en fait, la fin de l'acte 1, on découvre le cadavre de la fille qui s'est fait tuer au début, en fait, tout simplement. C'est ça. Et il y a un ancien qui dit, ah, ça y est, c'est comme au bon vieux temps où bah ça y est, Sunnydale. Ouais. It's just like old times. Donc voilà, une autre référence dont on se serait bien passé. Arrive, ça va, cette référence elle est pas trop poussive non plus, quoi. Ouais, c'est un peu rigolo, ouais. Ouais. C'est marrant, c'est un petit clin d'œil, genre il était là. Moi je suis pas d'accord, parce qu'encore une fois, ça te ramène à un vieux truc. Ça te ramène en arrière en fait, alors que là j'ai envie de voir de la nouveauté, j'ai envie de voir quelque chose, j'ai envie d'être dans le maintenant. Et là, C'est fort parce que la fin de l'acte 1, effectivement, je me suis trompé, la fin, c'est cette scène où on découvre le cadavre. Et donc, c'est important, une fin d'acte 1 du premier épisode. Et ben là, elle dit quoi? Elle te ramène à ce que c'était avant. Je trouve ça un peu dommage. Dans un autre cadre. Et puis là, on nous présente déjà le maire aussi, le maire de New Sunnydale. On nous présente aussi Larkin, qui est un personnage important. Bah ouais, te montrer que ça recommence, en fait. C'est ça, le truc. Oui. Le but, c'est que ce soit raccord avec Buffy. Ouais, donc, pour te dire, ok, la série originale. C'est reparti. Eh bien, encore une fois, c'est là où moi, je suis en... Enfin, moi, j'aurais pas voulu voir ça en tant que spectateur. Hein. Effectivement, c'est très bien fait, ça fonctionne et tout. Mais moi, c'est pas ce que je veux voir. Moi, j'aurais voulu voir une nouvelle série, pas un copier-coller de Buffy, en fait. C'est ça. C'est un copier pas bien collé, quoi. En parlant de copier-coller, toute cette histoire en fait autour de la reconstruction, l'inauguration, le nouveau Scooby Gang, moi ça m'a étrangement beaucoup fait penser au premier épisode de la saison 7 avec le nouveau lycée, le nouveau proviseur, Dawn qui trouve des amis. Hein, ça fait et j'avais beaucoup cette vibe là en fait moi dans le script et j'ai presque eu l'impression que ils cherchaient à refaire cet épisode à leur sauce, peut-être en essayant de l'améliorer quoi, de le développer plus en tout cas. T'as totalement raison parce que c'était un épisode qui avait quand même un côté reboot de Buffy quoi, retour. Ouais. Aux origines, on reprend avec Dawn qui est au lycée, tout ça. Dans l'acte 2, on va apprendre un peu plus sur le personnage de Nova, parce qu'on voit qu'elle rencontre une conseillère d'éducation pour son futur. On voit qu'elle veut une bourse pour aller étudier dans un prestigieux Cambridge. Lycée ou à Cambridge, voilà, c'est ça. Et on apprend donc que sa mère est morte, qu'elle est nulle en sport. Qu'elle déménage. Je me permets d'intervenir. La première fois je l'ai lu comme ça aussi, mais en fait moi je pense que sa mère n'est pas morte, et d'ailleurs elle dit pas que sa mère elle laisse volontairement elle pose la question parce qu'elle est face à cette c'est quoi, la conseillère de l'école. Sa mère c'est Buffy, ça se trouve. Moi je me suis dit ça en fait, hein. Et si c'est pas Buffy, je pense que c'est quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. Enfin bon, c'est pas là où je veux en venir. C'est que elle parle avec cette conseillère d'école qui est quelqu'un de très direct et qui veut faire une espèce de publicité autour de cette nouvelle élève et qui dit voilà ce qui marche bien, c'est parce que c'est là qu'elle va parler de son kidnapping qu'elle avait quand elle était jeune. Elle dit ouais, ça c'est intéressant, ça fait parler de toi, tu vois. Et ce qui serait bien en gros, c'est que tu vis seul avec ton père, donc ce qui serait bien, c'est que ta mère, et c'est là que Nova l'interrompt et dit quoi, que ma mère soit décédée, point d'interrogation. Et du coup elle laisse planer le doute. Tu vois, la conseillère, elle est marrante parce qu'elle dit ah oui, ça c'est bien, cette banger, voilà, c'est carrément c'est banger pour les admissions. Moi je trouve justement qu'elle en fait trop, ça devient un peu trop grotesque, on est trop dans l'humour un peu bête, c'est de la comédie. Si c'est bien joué, je suis pas sûr que ce soit si bête que ça, mais le personnage est assez rigolo quoi. Moi ce que je veux dire, c'est que non, la mère de Nova n'est pas morte, on sait pas ce qui est devenu sa mère, on le sait pas. Oui, c'est pas... Oui, t'as raison de noter la subtilité. Tout à fait. Si on veut aussi continuer à présenter les personnages, c'est vrai que j'ai oublié, mais dans le premier acte, on découvre donc le père de Nova, il est photographe. Abe. Et il côtoie dans une scène Larkin, donc qui est comment on peut définir Larkin, qui est une militante, une révolutionnaire quoi, en gros, c'est ça. Hein, révolutionnaire, qui défend les droits, qui veut protéger la terre de New Sunnydale, qui est très dans les, elle se fait traiter de woke à un moment donné, je crois même, je sais plus quand est-ce que c'est l'épisode, mais elle est très justement dans ce côté-là, ouverture d'esprit, il faut sauver la nature, il faut contre le capitalisme et tout ça. Personnage très très cool. Il y a une manière aussi de montrer que c'est quelqu'un qui vit avec son époque, parce qu'à un moment donné, quand il parle du cadavre, et dit non mais je veux pas genrer le cadavre, je sais pas si je vais pas me permettre de genrer cette personne, voilà, enfin il y a un truc comme ça pour dire que bah, oui. Ouais. Elle symbolise ce personnage et même tout un tas de personnages. Je trouve que c'est un thème très fort dans ce scénario. C'est il y a un conflit générationnel en fait entre les anciens, donc notamment un personnage qui s'appelle Monsieur Burke, qui est le prof d'histoire, je crois. Ouais, c'est ça, prof d'histoire. Ce qui est totalement une référence à Lost. Hein. Oui, en plus, tout à fait. Et qui du coup lui est à l'ancienne. Nova est aussi à l'ancienne. Elle aime les livres et pas trop les ordinateurs. Et il y a tout un tas de personnages qui au contraire font des selfies où on te montre cette Larkin qui est très dans les problématiques actuelles. Il y a vraiment ce conflit qui est développé tout au long de l'épisode. Ouais, ce conflit de position exactement. Et Larkin, si on veut la rapprocher d'un des personnages de la série originale, c'est compliqué ou vous avez des idées? Eh ben alors moi pour tout te dire c'est marrant parce que moi je visualisais une petite rousse. Hein, voilà. Voilà ce que j'en dis. Ok, d'accord, ok. Non mais c'est pas. Mais du coup c'est une Willow pas du tout timide. Ouais, c'est ça. Totalement l'inverse. Une Willow méga ultra engagée, ouais. Ouais, et puis qui aussi provoque, et je sais pas, elle est très loin de Cordelia, mais elle est quand même, je trouve, dans le. Elle veut se montrer et mettre en avant aussi comme Cordelia. Elle sait que c'est la visibilité qui va aussi l'aider à obtenir, enfin à aller là où elle veut, quoi. C'est ce qu'elle dit à un moment, faut que tu sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est beaucoup des discours qu'on voit chez les militants. D'après le chat, c'est justement ce côté woke qui aurait poussé notre fameuse exécutif à vouloir annuler la série. Ouais, en même temps je trouve que ça se moque aussi beaucoup de ça. C'est pas. Totalement militant l'épisode. Ouais, je suis d'accord, il y a un entre-deux. Ça caricature un peu aussi ce côté woke, justement, notamment le personnage de Larkin, puisque à la fin ils disent « Oh mais t'as mal traduit le truc, en fait c'était pas terre sacrée, mais terre maudite. » Enfin, ça se moque aussi un peu de ça, donc c'est pas totalement. Militant. Ça montre très bien cette fracture idéologique qui existe dans la société américaine entre les jeunes woke ouverts d'esprit et d'autres beaucoup plus radicalisés à droite. Et ça j'ai bien aimé parce que donc il y a aussi l'introduction du prof d'histoire Monsieur Burke et on sent que lui, alors il apparaît assez sympathique quand même au début, mais on sent qu'il est un peu saoulé par tout ça. Il y a des jeunes qui lui parlent de santé mentale et tout, et il obligé d'acquiescer, on sent que ça le fait chier. On sent un peu qu'il subit toutes ces idées progressistes. Son époque en fait. Ouais. C'est ça. Et mec, il est pas du tout en accord. Donc là où je trouve que le script est intéressant, c'est qu'il met pas, il dit pas faut être woke, c'est super, mais il montre qu'il y a vraiment un débat, enfin même plus une guerre, même parfois idéologique entre ces deux courants de pensée, quoi. Ça j'ai bien aimé. Alors, c'est un prof d'histoire physiquement décrit comme quelqu'un de ouais, au style assez moderne. Hein. Il a des cheveux longs. En cours, il porte un chignon. Un man bun, ouais. Tout à fait. Eh ben, faut en parler tout de suite. Hein. Tant pis, on spoil si vous n'avez pas lu. Je pense que je sais où tu veux en venir. Ça, j'ai adoré cette idée. Ce fameux prof d'histoire va être dans l'acte 3, je pense, ou 2, je ne sais plus, transformé en vampire. Et à la toute fin, il va devenir le gros méchant en fait. Il devient le gros méchant et moi, quand je lisais le truc, je me disais oh, si c'est lui qui devient le méchant, c'est génial parce que c'est un personnage qu'on voit au début, auquel on s'attache un peu, qui a l'air sympa et tout, et qui a l'air comme vous l'avez dit assez moderne, assez proche de ses étudiants, tout ça, et qui se retourne tout ça et qui devient à la fin un grand méchant. Et puis quand on sait tout ce que les livres, l'histoire, ça veut dire dans l'univers de Buffy, normalement c'est du côté du bien, c'est voilà. J'ai trouvé que l'idée, ça pour le coup. Chouette idée. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Pour juste ce que tu disais sur le fait que il est pas dans son époque, mais il accepte. Là, quand il est vampire, justement, il se met à cracher. C'est comme s'il s'était retenu toute sa vie. Ah bah, ça va devenir Trump. Il pensait vraiment. Ouais, c'est ça. Il se retient, il se retenait de ce qu'il de dire ce qu'il pensait vraiment. Et là, une fois vampire, il se lâche, quoi. Et justement, il se moque de ces jeunes qui n'ont rien compris à la vie. C'est une vraiment bonne idée. Je suis d'accord. Et le descriptif dans le script. Nous indique qu'ils veulent créer aussi un espèce de contraste visuel une fois qu'il est transformé, puisque une fois qu'il est en vampire, il défait son chignon et il laisse les cheveux lâchés en fait. Comme un vampire classique, voilà. Anne Rice. C'est ça. Dans les autres personnages qui nous sont présentés, faut qu'on parle de Gracie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Gracie ou Gracie, je sais pas comment on dit. Eh ben moi, bizarrement, j'avais du mal en fait à l'intégrer Gracie, parce que je sais pas vraiment pourquoi, mais par moments j'étais perdu parce que je confondais Larkin et Gracie. Voilà. Ah oui, ouais. Il y en a une qui est beaucoup plus introvertie, j'ai l'impression, et un télo. Oui, c'est ça, et Gracie et... Et aussi intéressant, croyante, on voit que c'est une fervente chrétienne et que tout ce qu'elle va voir pendant cet épisode va un peu la chambouler parce qu'elle, c'est pas du tout ses croyances. Quoi. On la voit pas tout de suite, hein. On la voit justement la première fois qu'on la voit, il me semble que c'est à partir de l'acte 3 seulement, quand elle est dans la bibliothèque Elle est dans la classe. Elle dit qu'elle va faire un exposé sur Buffy, c'est elle, je crois. Oui, c'est elle, c'est elle. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on la retrouve à la bibliothèque plus tard avec le bibliothèque. Parce qu'elle va faire des recherches dans les bouquins. Voilà, et comme vous l'avez compris, c'est vrai qu'on décrit pas forcément tous les enchaînements des scènes, mais comme vous l'avez compris, on est dans du classique Buffy, des jeunes dans une classe, de la bibliothèque, des profs, et Buffy, donc ça c'est important de le répéter, Buffy dans cet univers est un mythe, comme les tueuses de vampires et les vampires, on croit que ça existe mais on n'est pas sûr, enfin il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas, c'est un peu étrange, mais c'est un peu plus, en tout cas c'est un peu plus palpable. Que ouais, dans l'univers de la série originale. Ça fait partie du mythe vampire. C'est devenu une sorte de pan du mythe vampirique. Comme il y a des cosplays de vampires, ben là il y a des cosplays de Slayer. C'est vraiment. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont connaissance des tueuses et tout, donc. Et là, c'est peut-être aussi une idée qui a été reprise de loin, hein, mais des comics, parce que ben là, je vais spoiler un petit peu les comics de chez Dark Horse, qui était la continuité directe de la série. Où il y a un moment donné, très rapidement, en fait, tout le monde, toute la Terre a connaissance des vampires, a connaissance de l'aspect mystique. Et d'ailleurs, beaucoup de vampires sont intégrés, des vampires et d'autres démons sont intégrés dans la société. Voilà. Donc oui, là, il y a peut-être l'idée là qui est un petit peu reprise quand même. Non, du coup, parce que les vampires sont pas. Les gens pensent que les vampires n'existent pas. C'est un mythe, mais il y a un entre-deux. C'est un mythe. Il y a le côté on a connaissance des notions de Slayer, ouais. Les notions de Watcher, ils ont même il y a même le mec qui commence à faire le speech dans chaque génération de tout ça, c'est devenu entre guillemets public, même si ici c'est un truc de geek. Présenté comme un mythe, voilà, c'est un truc de geek, tout à fait, parce que c'est Hugo, c'est le personnage geek qui est le plus au fait, qui est le plus au courant de toute cette mythologie de la tueuse, et c'est le geek qui le sait, donc c'est devenu un truc de niche. C'est intéressant en vrai comme manière d'apporter les choses, parce que on sait que les lycéens savaient quand même plus ou moins à l'époque de Buffy qu'elle était spéciale, qu'elle était là pour les protéger parce qu'il se passait des événements un peu bizarres, et on peut s'imaginer qu'avec le temps les gens ont commencé à parler de ce qui s'est passé à Sunnydale et que le nom de Buffy est devenu une légende petit à petit, de gens qui racontaient c'est vrai que à cette époque dans ce lycée il y avait cette jeune fille qui venait en aide aux lycéens face à des événements un peu bizarres, et je trouve que c'est hyper intelligent en vrai comme manière d'amener le lore de Buffy dans un autre univers, dans une nouvelle série quoi. Alors avançons un petit peu dans l'intrigue. Donc Nova, parce que la conseillère d'orientation a dit à Nova qu'elle faisait pas assez d'activités extrascolaires, elle n'était pas assez investie. Parce qu'il y a beaucoup ça aux États-Unis, hein, pour avoir un bon dossier scolaire, il faut aussi faire partie d'assauts, de trucs comme ça. Donc, coup de bol. Pendant le Vampire Weekend, donc qui sort cette fête autour du vampire, avec, comme on l'a dit, une sorte de fête foraine, hein, clairement, avec des cosplays, des attractions, des trucs comme ça autour du thème du vampire. Presque une petite convention aussi. C'est ça, ouais. Oui, il y a un concours de cosplay à un moment donné. C'est quoi, génial. Un concours de cosplay de tueuse, enfin, c'est fascinant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pendant ce Vampire Weekend, il y a une collecte de sang qui est organisée, et donc Nova se retrouve à aider, à participer à cette collecte, donc pour améliorer son dossier scolaire. Là, donc elle est avec Monsieur Burke et avec un autre étudiant, je crois, je sais plus. Mais il se trouve que Monsieur Burke s'en va, et à un moment donné, elle perd trace de Monsieur Burke, et en même temps, elle a des flashs. Elle a des flashs de trucs pas bien qui pourraient se passer. Et elle sent que Monsieur Burke est en danger. Elle court à son secours et elle le trouve pas. Et à la place de Monsieur Burke, elle ne trouve une mare de sang. Et donc elle s'inquiète pour Monsieur Burke. C'est bien ça. Hein. Ouais, la menace, il y a eu les deux vampires, il y a eu un ah oui, frère on en sait plus sur les méchants. Nous, à ce moment-là, on sait déjà ce qui lui est arrivé à Monsieur Burke. Enfin, oui, on voit la on sait pas qu'il a été transformé, mais a priori, on sait qu'il a été mordu par ce duo de vampires qui sont frères, probablement jumeaux d'ailleurs. Ouais, Shirley, Jack et Shirley. Ouais. Encore une fois, on te ramène à l'ancienne Buffy, qui apparemment ont été tués par Buffy. Oui. Ou ont été ensevelis par Buffy, quoi. Ils étaient peut-être dans les vampires qui étaient présents dans le dernier épisode de la saison 7, quoi. Ouais, je l'ai pas pris comme ça, comme directement ensevelis ou tués par Buffy. En fait, ce sont des victimes, entre guillemets, de la fermeture de la bouche de l'enfer. Ils veulent se venger de Buffy, ils arrêtent pas de dire la tueuse, enfin ils disent pas Buffy, mais oui, de l'entité tueuse. Je pense que c'est par rapport à l'image de la tueuse, parce qu'à un moment, ça, je me projette un peu là dans le scénario, mais quand Nova découvre ses pouvoirs, c'est face à un vampire qui va lui dire « j'attends de te tuer depuis 25 ans » ou un truc comme ça. Donc en fait, il projette sur elle ce que c'est qu'une tueuse, mais c'est pas elle directement. Et je pense que c'est la même chose avec ces deux vampires-là. C'est pas forcément Buffy qui cite, c'est l'entité de la tueuse et ce qu'elle représente. Et c'est ça qui veut l'anéantir en fait. Surtout que suite à Buffy, la tueuse, c'est ça représente plus exactement la même chose. Même s'ils précisent que ça fait 25 ans qu'ils attendent ce moment, qu'ils sont ensevelis depuis 25 ans, donc ça correspond à la fin de la série en réalité. Alors moi j'ai fait le calcul et en vrai non, il y a 21 ans. Donc, ils ont dû annuler l'épisode pour ça je pense. Du coup, c'était une erreur de calcul en fait. Ouais, et puis d'ailleurs quand au moment où Nova se révèle être la tueuse, ils n'ont pas de problème en fait à vouloir, enfin je dis il, mais il n'y a plus que Shirley à ce moment-là, à se venger de l'entité de la tueuse, comme tu dis Mallory, en s'en prenant à Nova. De ce qu'elle représente, quoi. Et Nova qui en parallèle de ça développe petit à petit ses pouvoirs, parce qu'il y a une scène assez cool avec son love interest du coup, qui est Carson il me semble son prénom. Carson, elle le sauve, il y a une flèche qui part dans la tête de ce gars et elle l'arrête à quelques centimètres de sa tête. Et elle est elle-même impressionnée par ce qu'elle vient de faire, et c'est Hugo qui l'a observé, je crois, qui commence à se poser des questions, qui va la suivre, et en fait petit à petit ses pouvoirs en plus de ses visions se développent du jour au lendemain. Comme Xander représentait un peu les spectateurs à l'époque, je trouve qu'Hugo représente un peu cette vision aussi du fan de Buffy qui découvre cette série et qui connaît déjà tout le lore et qui du coup va chercher un peu tous les signes de « Ah ok, ça je le connais, ça veut dire ça ». Et je trouve que le personnage d'Hugo représente un peu ce truc-là aussi. Hugo, c'est un personnage qui fonctionne totalement. Pour moi, c'est... moi, j'ai lu le script, j'avais compris qu'il avait le potentiel pour devenir un de mes personnages préférés. Ouais, il a des bonnes répliques, en plus, il est drôle. Et alors voilà, faut qu'on parle de ça. Les dialogues sont assez excellents. Il y a des petites... Ouais, il y a des bonnes formules, c'est très très malin, ça joue avec les mots, ça joue avec les formulations, c'est vraiment, ça joue avec la langue, et là, ça pour moi c'est vrai, le vrai esprit Buffy, il est bien respecté pour les dialogues en tout cas, ça on est à fond dedans. Je suis d'accord avec ça. La suite, comme vous l'avez dit, on va directement à la bagarre, hein. Nova se retrouve nez à nez avec Jack, avec un vampire. Et elle arrive à le tuer. Elle se rend compte qu'elle sait faire des arts martiaux. Je connais le kung-fu. D'ailleurs, il y a une blague sur ça aussi. I know kung-fu. Et ouais, elle développe une super force, des super habilités, et elle tue ce premier vampire. Avec la fameuse flèche, flèche qu'elle avait interceptée, sauver Carson. Un peu. Ouais, et puis flèche qui reviendra aussi à la fin de l'épisode. Ça va être son pieu à elle, quoi. Et donc là, ça c'est la fin de l'acte 3, qui se termine sur la phrase d'Hugo, You're a slayer, tu es une tueuse. Il y a une phrase d'Hugo aussi à ce moment-là quand Ils se rendent compte que le prof, du coup, est devenu vampire. Hugo dit, ah bah je suppose qu'il n'y aura pas d'examen lundi, il n'y aura pas de, il y aura pas de contrôle d'histoire lundi. Quoi. Ça, c'est très méfiant. J'avoue ouais. que ça m'a fait rire. Ouais, il y a vraiment des bonnes répliques. Ouais. Ça, c'est chouette. Pendant ce temps-là, il y a notre ami Gracie qui s'est planqué dans la bibliothèque parce qu'il y a les vampires qui sont arrivés dans la bibliothèque pour faire des recherches sur un lieu juste sacré. Juste Shirley, du coup, il n'y a plus qu'une seule vampire maintenant. Ah oui, il n'y a plus que Charlie, Charlie. Bah, et puis il y a Burke aussi, du coup, enfin à la fin de la scène, je et crois. Et Burke, ouais. Bah, en fait, Burke oui. va la rejoindre. Je ne sais pas encore à ce moment-là, mais oui. Et donc, cette Charlie veut ramener ce magistère, du coup, se met à regarder dans les livres, comme Jace à l'époque, finalement. Comment ramener ce magistère? Et moi, j'ai trouvé que cette Gracie était un petit peu présentée comme une potentielle Jace aussi. On sent que c'est elle qui va porter le savoir, les recherches, tout ça, j'ai l'impression. Et bah, totalement. Et puis, même c'est dit à la fin. Hein. Enfin, c'est dit. Il faut un watcher, tu sais, dans une des dernières scènes de l'épisode. Oui, ouais, voilà. Une tueuse a toujours son watcher. Qui c'est qui pourrait être le watcher? Et c'est elle qui parle après ou c'est. Ouais, puis il y a une figure, je sais plus qui dit, il faut que ce soit une figure paternelle, encore une figure paternelle. Ouais, et là, il y a encore patriarcal, ouais. Et puis là, en fait, ouais. on te montre cette jeune Gracie qui avec son énorme bouquin et qui sera la Giles potentielle, quoi. Ensuite, il y a une scène un peu blague, la scène de montage, pareil, moi j'ai pas trop aimé parce que c'est trop blague, pas assez sérieux. En plus, apparemment, il voulait. Donc c'est une scène de montage dans laquelle Hugo et. Et Nova vont acheter plein de matos pour la bagarre. Et dans les notes du scénario, il y a écrit que hop, mettre ça en musique peut-être avec le générique de Buffy. Ça aurait été ignoble. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais trouvé ça super nul. Je suis d'accord. Là, on revient sur peut-être la notion de fan service que là, effectivement, je comprends l'aspect péjoratif parce que je disais tout au début de ce podcast que, enfin, quand on a commencé à parler de l'épisode, que j'arrivais à bien visualiser l'épisode devant moi en lisant. Et à ce moment-là, je me suis dit, oula, enlever cette musique-là, ça marche pas sur ces images-là, ça marche pas du tout. Ah oui. C'est pas ça qu'il faut mettre. Alors, on est où là? On est donc il y a eu la bagarre. On est où là? Il y a Larkin qui est en danger, non? On arrive vers la fin de l'épisode. Larkin est en danger. Parce que donc les vampires, évidemment, veulent faire, comme d'habitude, une sorte de cérémonie satanique, hein, évidemment. Ils veulent lever une armée de vampires. Alors, ça fait très très peur quand même. Ça fait très peur. Et pour ça, donc, ils ont besoin de faire une cérémonie dans un endroit sacré, et Larkin est dans les parages. Ah si, voilà, ils ont besoin du sang de Larkin. Parce qu'évidemment, c'est des vampires, ils ont besoin de sang. Et donc, il y a, on le rappelle, Shirley, donc la vampire qui était ensevelie depuis 25 ans, Monsieur Burke, qui est devenu vampire, et donc, tous les deux, ils sont en train de faire... Ils essayent de faire cette cérémonie pendant que Larkin est... attaché. Et là-dessus arrivent Nova et Hugo qui viennent la délivrer. Et voilà, on va pas tout détailler. Enfin, si vous voulez détailler la bagarre, tout ça, il y a des trucs intéressants à dire. Ouais, il y a un truc surtout très très. Alors, si peut-être j'ai mal compris en lisant, mais j'ai l'impression qu'elle fait un saut de l'espace à un moment donné. Elle saute et il y a Hugo qui lui lance la flèche dans les airs. Elle récupère la flèche dans les airs et elle plante Shirley comme ça. Ouais. Je trouve que c'était un peu... Au basket, tu sais, quand tu sautes et que le mec t'envoie le ballon dans les airs. Décisive au basket, c'est ça. C'était un peu too much, au moins à la lecture en tout cas. Je suis curieux de voir comment elle aurait fait ça, Chloé Zhao. Mais à part ça, non, le combat est chouette. Comme dans les bons épisodes de Buffy, c'est sidekicks, Hugo et ensuite Larkin délivré vont aussi, apportent leur aide, quoi. Et ils se battent à plusieurs. C'est Nova qui a le premier rôle, évidemment, mais ils se battent à plusieurs et ça, c'est toujours sympa. Il y a un truc, je suis parenthèse un peu sur Shirley, mais parce qu'on est quand même là dans le combat final, mais c'est marrant parce que Shirley n'est pas du tout dans les castings IMDb, en fait. Elle n'est pas du tout annoncée. Ah, d'accord. Contrairement à Jack. Son frère, du coup. Et ça se trouve, elle a peut-être été squeezée dans les versions suivantes du scénario comme personnage. Tout à fait possible. Peut-être que ce soit un méchant un peu en trop, quoi. Parce que là, du coup, ça nous fait Jack plus Shirley plus Monsieur Burke qui va s'avérer être le vrai méchant, en fait. Ils ont peut-être combiné deux persos, non? Ouais, peut-être Jack et Shirley, tout simplement. Peut-être il n'y avait qu'un seul vampire qui se réveille avec des ambitions plutôt qu'un frère et une sœur, quoi. Après, tu vois, je suis dessus, là, il y a une certaine Tammy qui peut être Charlet éventuellement. Enfin, tu vois, peut-être que le nom a juste été changé. Oui, il y a peut-être des noms. Je me rappelle pas de Tabu dans le script. Non, effectivement. Ouais. On ne saura jamais. Voilà, c'est triste. Quelle tristesse. C'est si, il va fuiter un jour cet épisode. C'est moi. Oui. Dans 10 ans. En 2026, sur les internets, on finit par tout trouver. Même j'ai des vidéos qu'on veut pas voir. Hein, moi, je fais un gros bisou à David Boreana. À David... Ça, c'est ouais. tout fuite toujours sur internet. Voilà. Vous pouvez fuiter autre chose. Oh non. Oh, Mallory, non. Mallory, tu sors. C'est pardon. C'est pas ça qui a commencé, mais... moi je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on puisse mettre la main sur l'épisode. C'est sûr. Bah alors vous le regarderez ou pas, parce que Sarah Michel Gellar a dit qu'il fallait pas le regarder. Hein. Bah mais si, oui, avec curiosité trop forte. Avec des effets spéciaux pas terminés, et ce sera très bien. Et un son dégueulasse comme notre live. Qu'est-ce qui se passe après? Donc fin de la bagarre, Shirley est anéantie par une tueuse incroyable qui fait un moment qui se... Après son saut là, elle fait une pause super badass. Je crois. Voilà, une tueuse aînée quoi. D'ailleurs Hugo lui dit... Parce qu'il y a un échange entre les deux, alors c'est peut-être plus tôt, où elle dit non, moi je suis pas Buffy, je veux pas être Buffy. Et il dit mais t'es pas Buffy, tu es Nova, Nova la tueuse de vampire, un truc comme ça. Quoi. Ça c'est chouette aussi comme réponse. C'est une bonne manière de dire c'est pas Buffy, le sujet c'est pas Buffy, quoi. C'est toi, Nova. Une personne qui arrive. Ouais, mais du coup, c'est intéressant d'avoir maintenu le titre Buffy the Vampire Slayer, New Sunnydale. Alors oui, il y a la notion de New Sunnydale, mais il y a toujours Buffy dans le titre. Ah, c'est la marque. Ça, c'est marketing, ça. Ouais, et oui, parce que donc vous l'aurez noté, on arrive à la fin de l'épisode et toujours pas de Buffy, quoi. Hein, ouais, c'est pas présente. Elle est évoquée vaguement comme un mythe. On ne sait pas trop si elle existe ou pas. Voilà. Et alors je déroule là, mais après il y a l'extension du Scooby-Gong, bah en fait il y a aussi le... Alors, on revoit Carson et Nova, donc ça développe un peu le love interest, on voit que Nova a craqué pour ce gars. Mais c'est normal, Carson c'est un mec qui fait du jogging à minuit. Il fait du jogging à minuit, torse nu, torse nu. C'est précisé qu'il fait torse nu. Bah oui. Il est chelou, peut-être c'est lui-même. Normal. C'est vraiment le Angel quoi, qui fait des trucs... De nuit bizarre. Ah bah c'est là que lui, c'est écrit dans le script, si vous êtes une fan, un fan de Buffy, vous aurez la ref d'une rencontre, de la première rencontre entre Buffy et Angel. Tout à fait. C'est ça, oui. Bon, c'est écrit. Ouais. Et on voit, il y a aussi la création du Scooby Gang, entre guillemets, où Nova rejette son rôle, elle est dans le déni, comme dit Hugo, je crois, un peu plus tard. Oui, c'est Hugo et Larkin qui Hugo et Larkin, voilà. Enfin, il y en a un qui finit la phrase de l'autre. Mais on voit, là, ça c'est un peu grossier quand même, mais en fait, Nova est en train de lire Dracula de Bram Stoker, évidemment, en secret. Donc peut-être qu'elle se prépare. Et après, il retourne de son père. Ouais, son père. Parce que Buffy dit des trucs en latin, il y a une sorte de prophétie. Quand la prochaine lune... C'est marrant, t'as dit Buffy. Ouais, c'est vrai. Ah merde. C'est vrai. Marrant, c'est la tu l'attends, hein. Elle te manque, hein. Bah oui, désolé, j'aime bien Nova, mais c'est pas Buffy, quoi. Non, ou alors à l'inverse. Non, moi je pense pas. Je pense que les scénaristes, les sœurs Zuckerman ont bien fait le job. C'est-à-dire que Nova, on y croit en tant que tueuse. Le perso est super. Elle est bien campée. On y croit. Ça peut être une nouvelle Buffy. Il y a un détail dont on n'a pas trop parlé par rapport à Nova, parce que c'est évoqué, je crois, deux ou trois fois dans le script, cet enlèvement, ce kidnapping qu'elle a subi quand elle était plus jeune. C'est à mon avis, ça aurait dû avoir son importance plus tard. Oui, c'est une graine qui est bloquée, tout à fait. Ouais. Bah oui, ouais, peut-être ça que c'est même lié à sa mère. Hein. À sa mère, à un éventuel watcher, peut-être. Ah, un truc comme ça, peut-être. Elle dit que c'est son père qui l'a sauvé et pas la police, bizarrement. Moi, je soupçonne son père d'être au courant de pas mal de choses. Ouais, je pense. Entièrement d'accord. Ce serait pour ça qu'il déménage. On lui dit qu'il déménage régulièrement à cause de son travail, mais peut-être que c'est pas à cause du travail qu'il déménage. Il y a pas mal de pistes, quand même. Ça m'a mis la puce à l'oreille avec une réplique qu'il a au début. Où il dit mais ça c'est bien pour les parents qui aiment pas leurs enfants, mais moi il s'avère que toi je t'aime bien. Enfin il y a un truc, il joue beaucoup sur ce truc de moi je t'aime bien quand même, et j'ai eu un sentiment de ok, son père il en sait peut-être plus, et elle a pas de watcher, tu vois, Nova. Donc peut-être qu'il serait là aussi pour veiller sur elle, tu vois. Peut-être que c'était pas un kidnapping, peut-être que c'est ce mec-là qui a kidnappé Nova et qui se fait passer pour son père. C'est ça. Pour faire un autre parallèle, pour ceux qui ont vu Véronica Mars, j'ai trouvé que la relation Nova et son père, ça ressemblait un peu avec le père protecteur mais absent. Bah c'est ça. Ouais, et surtout ils l'ont intégré direct dans l'histoire. On voit que son travail peut éventuellement le conduire à être présent sur des scènes de crime ou des choses comme ça. Contrairement à Joyce qu'on ne voyait jamais travailler parce que c'était vraiment, il y avait la partie famille de Buffy qui était vraiment très séparée de sa partie tueuse. Là, on imagine, on sent peut-être un petit qui est un peu plus de mélange quoi éventuellement. Il serait beaucoup plus impliqué. Abe de son prénom. On arrive à la toute fin de cet épisode avec une scène très cool et que du coup j'avais petit à petit compris ce qu'il voulait faire de Monsieur Burke et j'ai adoré cette fin, j'ai adoré que ça se termine comme je l'avais prévu. Donc avec un super gros colosse vampire, on pense que ça va être lui le chef des vampires et qui se fait tuer par Monsieur Burke et c'est Monsieur Burke qui prend sa place et qui devient le gros chef, le gros méchant. Voilà. Alors qu'on imagine un gars à la musculature très lambda, classique, quoi. Et encore une fois, c'est marrant parce qu'il dit le magister signifie teacher en fait. Donc, c'est logique que ce soit lui qui prenne la place finalement. Il accueille les vampires. Il y a tout un groupe de vampires qui se réveillent finalement. Ils n'ont pas réussi le nouveau Scooby Gang n'a pas réussi à arrêter la prophétie, quoi. Il y a tout un gang de vampires qui se réveillent pour attaquer New Sunnydale. Alors, est-ce qu'on passe à la dernière scène On y arrive. Ils ont appelé ça tag parce que c'est quoi, ce serait post-générique, c'est quoi, je n'ai pas compris ce que c'est. Moi, c'est dans le générique de fin, quoi, je vois. Non, je pense pas. Je pense que c'est post-générique ou post-mot fin, tu vois, mais c'est pas pendant le générique, je pense pas, non. Donc, la scène de la Discord. Discord, oui. Allons-y, décris-la nous, Sartman, qu'est-ce qui se passe dans cette scène, alors? Bah je sais pas, on est dans une grosse multinationale d'une assurance à New York et on suit des gens, on suit notamment une Janet, je sais pas quoi, dans des couloirs tout ça et qui arrive auprès d'un autre bureau, il y a une personne qui regarde son écran et on découvre que c'est Buffy, que c'est et, Anne. C'est Anne d'ailleurs. Anne. Elle se fait appeler d'ailleurs. Anne. Anne, on le rappelle, c'est le deuxième prénom de Buffy Anne Summers et qu'elle a déjà utilisé en début de saison 3, quand elle fait profil bas à Los Angeles, quand elle veut changer d'identité. Et donc là, apparemment, c'est une identité qu'elle a reprise pour travailler dans cette boîte, cette compagnie d'assurance. Et il y a Janet qui lui dit « Tu voudrais pas être en retard à la réunion ?» Et Buffy dit « Nope, wouldn't want that. » Certainement pas. Et c'est exactement la réplique qu'elle disait, que Buffy disait dans le tout premier épisode de la série originale quand elle était réveillée par sa mère. Tu ne voulais pas être en retard au lycée. Pour ton premier jour. C'est beau. Non, c'est beau, mais encore une fois, c'est un peu. Mais ça finit pas comme ça. Ça finit pas comme ça. Après, elle est à la réunion. Il y a des pop-up. Il y a des alertes, il y a des pop-up sur son ordinateur qui. Elle a mal réglé son anti-pub. À mon avis, t'as chaque pop-up qui fait bip d'ailleurs. Ça doit faire bip bip bip bip à l'écran, tu sais. Et il y a des pop-up qui annoncent qu'il y a des soucis. Il y a des soucis à New Sunnydale. Enfin à Sunnydale, Californie. Et, ça veut dire déjà qu'elle est encore connectée au lieu. Enfin, Elle s'est mis des alarmes pour ça. Que dès qu'il se passe un truc à New Sunnydale, elle en entende parler. Elle soit au courant. C'est ça, c'est comme les Power Rangers. Voilà. Bim, je l'ai dit. C'est quoi, elle a l'air de montrer qu'elle s'intéresse pas à ça. Mais pour moi, elle a pas vu ce qui se passe à l'écran. Hein. Je crois que c'est dit hein, qu'elle voit pas hein, ce qui se passe dans le scénario. Oui, elle est dans sa réunion et donc elle capte pas. Mais elle s'est abonnée à des alertes pour pouvoir voir ce genre d'informations. Donc évidemment, on nous l'apprend comme étant rangée de tout ça, mais finalement, elle est peut-être pas si rangée et elle garde un œil sur ce qui se passe à New Sunnydale. Je trouve ça décevant, moi. Alors Riley, dis-nous ce que t'aimes pas dans cette scène, Riley. Ah non, moi je trouve que ça fait vraiment rajout. Moi j'aime pas. Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que ça fait rajout. Elle arrive au générique. J'ai voulu que cette scène soit dans l'épisode, quoi. Que ça soit. Mais c'est très bien. Là, c'est après le générique. Moi je trouve que c'est très important. Mais oui, mais parce que la nouvelle série, c'est pas au sujet d'elle, c'est hyper bien qu'il ait fait tourner tout l'épisode autour des nouveaux personnages et qu'à la fin, ils te disent Buffy est là et en fait elle suit tout ce qui se passe et elle va revenir, mais c'est pas le sujet pour l'instant en fait. Mais je l'aurais fait revenir à la fin, moi. Qu'elle soit pas au courant, qu'elle soit dans une vie normale, rangée, dans une assurance, pas du tout. Mais ça lui ressemble qu'elle, pas. Qu'elle frappe à la porte à la fin. J'ai vu les pop-up. Je sais pas ce qui lui ressemble ou pas. Il s'est passé 25 ans dans sa vie en fait. Enfin, Bien sûr. Il faut oublier la vie que t'as connue, je pense. Bah oui, c'est surtout pour dire qu'est-ce qu'elle a foutu pendant tout ce temps en fait. C'est ça. C'est ça qu'elle a. Il faut qu'on le montre, tu vois. Il faut pas qu'elle revienne de nulle part. Elle revient. Mais oui. Pour moi, ça nie un peu la fin du dernier épisode, quoi. Après tout ce qui s'est passé, la fin de Sunnydale, le groupe qui reste, elle peut pas être dans une compagnie d'assurance. La vie fait que les choses sont pas toujours comme tu voudrais qu'elles le soient, quoi. Et c'est justement, je trouve ça vachement bien que Buffy se retrouve dans une vie qui est pas satisfaisante pour elle. Si elle se retrouvait dans une vie qui était satisfaisante pour elle, quel serait l'intérêt pour elle d'aller s'impliquer dans quelque chose de nouveau? Je dis pas qu'il faut pas que cette idée-là peut marcher, mais j'aurais préféré une Buffy qui vit loin de tout, parce que dès qu'elle a des proches, ils meurent autour d'elle. Ah ben comme l'héroïne de Scream. Ouais, comme dans Scream, ouais, exactement. Ouais. Je trouve que c'est out of character pour Buffy justement. Elle est pas comme ça. Buffy, elle est sociable, elle aime être entourée de gens. Enfin. Je peux donner mon avis? Non. Qui êtes-vous, monsieur? Une dernière chose, moi je trouve ça très marrant qu'elle travaille dans les assurances, justement. Buffy qui se mettait toujours en danger et qui sûrement a une bonne vision de ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Je trouve ça assez ironique personnellement. Moi je pense que cette scène est en trop, tout simplement. Que l'épisode n'a pas besoin de Buffy. L'épisode fonctionne comme il est. Je trouve que c'est un aveu d'échec. C'est comme toutes ces références qu'on nous ajoute à cet épisode qui n'en avait pas besoin pour le reconnecter à l'ancienne série. Je pense qu'il n'y avait pas besoin. Il y a des personnages qui tiennent la route. Il y a une intrigue qui tient à peu près à la route. C'est une intrigue d'un épisode de Buffy classique, quoi. Il n'y a pas besoin de cette scène. Parce que encore une fois, moi ce que je voulais, mon point de vue à moi de spectateur, je voulais une nouvelle série. Je voulais pas un copier ou quelque chose qui ressemble. Donc pour moi, ça devait s'arrêter là. Retour de Buffy, tu vois. Le retour de Buffy fait partie de la pub du truc. À ce moment-là, il aurait fallu qu'il soit patiné du retour de Buffy. Moi, s'il n'y avait pas eu la scène là, je pense que je suis devant mon épisode, d'accord? Le pilote est acté, ça sort. moi, il n'y a pas la scène là, je serais resté sur ma faim et je pense que une majorité des spectateurs auraient réagi comme moi et auraient dit « Putain, on regarde tout l'épisode, on attend Buffy, elle est où en fait ?» Je pense toi, Sartman, tu voulais un tout autre épisode du début à la fin. Le problème, c'est que si tu l'amènes pendant l'épisode, comme ce que suggère Riley, ça va, casser tout ce que tu as mis en place. Ça aurait fait de l'ombre dessus. C'est ça. Tu t'embêtes pendant tout l'épisode à construire des personnages forts, comme on s'est dit. On dit Nova, elle a de la gueule, elle est badass, on a envie de la suivre. Et si pendant l'épisode, tu ajoutes ce monstre sacré qui est Buffy, autres personnages deviennent des spectateurs de Buffy et c'est dommage. Pas forcément, mais j'aurais mis à la fin. En fait, là, ça fait c'est tout l'un ou tout l'autre, mais là, ça fait un entre-deux un peu bâtard. Avant générique de fin, pas après, effectivement. Mais il faut faire durer le suspense aussi, parce que moi, pour moi, la scène là, ça voulait pas dire que dans l'épisode 2, on voit Buffy. Non, on l'aurait peut-être revu un petit peu dans une scène dans l'épisode 3. On aurait attendu 5-6 épisodes avant qu'elle débarque à New Sunnydale. Ah bah oui, c'est clair. On peut préciser un truc, c'est qu'ils ont envisagé de faire des saisons longues aussi. Pour New Sunnydale. Un peu à l'ancienne, pas des saisons de 8 épisodes comme on a maintenant, mais je crois qu'ils avaient parlé de 18 épisodes, il me semble. Et du coup, il y a beaucoup de choses à mettre, et peut-être qu'effectivement, Buffy aurait mis du temps à revenir. Sur le chat, j'ai l'impression que vous vouliez aussi son retour plus. Vous êtes comme Ulu en fait. J'ai l'impression que vous vouliez plus de Buffy, c'est ça. Dites-moi sur le chat. Vous êtes comme Ulu. Moi, je trouve ça bien qu'elle soit pas là trop, tu vois, pour pas faire de l'ombre aux autres. Par contre, je trouve que c'était important de la faire revenir parce que la com a tourné autour de ça, donc ils avaient pas le choix, tu vois. Mais en l'occurrence, vu ce qui nous a été présenté, le fait que c'était une nouvelle série, mais que Buffy était encore dans les tuyaux quelque part, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de meilleur moyen de l'amener, tu vois. Alors si, il y avait un meilleur moyen, c'est une rumeur aussi qui a circulé un peu quand il y a eu cette histoire de reboot et avec Sarah Michelle Gellar dans les parages, c'est qu'elle meurt à l'épisode 1, quoi. Que tu commences l'épisode avec elle. Ça aurait été nul. Super dur, mais pour le coup, c'était une autre proposition. Ça te donne le concept de ta série. Ça dit, bah là, on va pas faire Buffy, on va faire New. Enfin, c'est autre chose. Non, mais là, tu grilles la série, je pense. Ouais, mais là, c'est foutu. Ouais, je pense que tu grilles la série. Que tu capitalises. La série capitalise beaucoup sur les anciens fans. Donc. Ou elle revient en vampire. Tu l'as fait changer en vampire. Oh, ça dit à la méchante. C'est elle, la magistère qu'ils appellent, c'est elle, quoi. Oh, j'ai trop d'idées. Ça, t'as envie de voir. Hein. Faut qu'on écrive nos fanfictions, je pense. Ouais, oui, ça va finir comme ça. Non, mais parce on a déjà fait une, on peut en refaire, il n'y a pas de souci. Parce que ce dont tu parles, Sartman, ils l'ont fait dans Terminator Genesis. Hein. Y a John Connor qui est quand même... ouais, non, alors moi je l'aime bien, mais le concept de John Connor qui devient le méchant, j'ai pas trop aimé. Hein. Voilà. Bah non, tu trahis tes fans en vrai quand tu fais ça, c'est horrible, je trouve. Ouais, non, c'était osé, mais pour le coup trop osé. Et je pense que ça aurait été le même effet avec Buffy qui devient vampire. Moi, j'aurais voulu qu'il reste sur le côté mythe. À la limite, montrer une femme blonde à la fin sans savoir si c'est Buffy ou pas. Rester dans le mythe. Ou alors qu'elle voit une fille blonde devant le lycée. Pas vraiment si c'est Buffy, tu vois, ou je sais pas. Qu'elle soit suggérée plus que montrée, quoi. Ouais, peut-être plus suggérée, ouais, effectivement. Ou qui est dans les bouquins, on voit un dessin de Buffy. Là, c'est vraiment une légende, machin. Je sais pas. C'est un truc comme on voit pas qui c'est, mais tu sais qu'elle a sauvé Nova par exemple dans un coin de la pièce, il y a un vampire qui est sur le point de se jeter sur elle et bah il se prend un pieu dans le cœur, tu vois pas trop qui a fait ça, mais bon tu vois des bottes, enfin, pointu ou je sais pas. Oh. On a plein d'idées. Appelez-nous Ulule, là, on vous reprend la série avec Chloé Zhao. Attention, c'est nous. Aux exécutifs pas sympas par contre. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur cet épisode, sur l'actu de Buffy, parce que je crois qu'on a fait le tour. Ça fait 2 heures quand même là. Ça fait 2 heures. Voilà. Mais c'était cool. Moi j'ai adoré parler de ce script avec vous. C'était trop bien. Ça permet en fait d'extérioriser tout ce qu'on ressent quand on lit ça et qu'on découvre et puis ça élimine un petit peu aussi la d'une certaine manière la frustration qu'on a de pas avoir la série. Oui, parce que l'idée avec cette nouvelle série aussi, moi j'avais hâte de voir cette nouvelle série pour pouvoir en parler avec vous, avec tous les amis que j'ai fait dans le monde de Buffy depuis qu'on fait ce podcast. Enfin, ça aurait été extraordinaire de chaque semaine, ce matin d'épisode, ça aurait été fou. Mais ouais, carrément. Je suis triste. Ça n'arrivera pas. Et un connard d'exécutif nous a privé de ce plaisir. Il prend tellement cher. Ça se trouve, il n'a rien fait, le pauvre. On nous demande où trouver le script de la série. Justement, j'ai vu cet après-midi qu'il était, il a été mis en ligne par nos copains de Buffy Angel Show. Donc, vous pouvez, je vais essayer de trouver le lien et je le mets. Il y a un lien sur notre Discord aussi. Sur notre Discord également. Ouais, Discord, ah oui, c'est vrai qu'il est dans notre Discord, faut fouiller un peu. Ou on pourra le reposter de toute façon. À la limite, faut le reposter avec la description de cet épisode, hein, je sais pas. Enfin au moins le lien quoi. Oui, je mettrai un lien, exactement. Je mettrai un lien dans la description du podcast. Bien joué. Ouais, c'est important de l'avoir sous les yeux. Qui est probablement pas le script définitif, en plus. Bah oui. Oui, comme on l'a dit, il date de fin 2024. Et elle l'a dit, Sarah, ah oui, donc dans les toutes dernières infos, Sarah Michelle Gellar a participé à un podcast et elle a évoqué donc l'annulation. Elle a parlé du script, elle a vu qu'il y a un script qui circulait et elle disait que c'était pas le... It's not correct, elle a dit, c'est pas le... Qui a été tourné. Le script correct, c'est pas le script qui a été tourné. Et elle est revenue aussi sur le pilote qui a été tourné, que c'était pas terminé et que on sait que derrière il y avait eu d'autres négociations pour faire des changements. Et voilà, d'après ce qu'on imagine, c'est ces négociations sur d'éventuels changements qui ont conduit au clash, j'imagine, ou en tout cas à un désaccord total artistique qui a fait conduire à l'annulation de ce projet. Et aussi, alors oui, vu qu'on est sur un podcast actu, on peut pas passer à côté de ça. Sarah Michelle Gellar était à Paris hier. Attends, mercredi et jeudi, je crois. Mercredi. Mardi et mercredi. Mardi pour enregistrer l'émission au quotidien et exactement. Mercredi pour l'avant-première du film Ready or Not 2, qui a été merveilleusement traduit en France par un autre titre anglais. J'adore quand on fait ça. Wedding Nightmare 2. Voilà, d'accord. Je sais pas pourquoi on fait ça. Et ouais. Et donc, vous pourrez retrouver Sarah sur le plateau de Quotidien dans une semaine et demie maintenant. Enfin, juste pour la sortie du film, quoi. Son passage, exactement, sera diffusé dans l'émission le jour ou la veille de la sortie du film Ready or Not 2. J'ai enquêté, j'ai demandé si Yann Barthès avait posé la question hein, l'annulation de la série, tout ça. Donc il l'a fait, hein, ce bon vieux Yann. Et Sarah aurait répondu qu'elle ne savait rien pour l'instant, elle ne savait pas où ça en était. Elle maintient l'espoir, en fait. Elle veut maintenir l'espoir, même si on pense que... Enfin, qu'il n'y a rien pas. Et elle a dit qu'une fois rentrée à Los Angeles, elle devait faire une réunion, justement, avec Chloé Zhao et les sœurs Zuckerman pour évoquer le possible... voilà, comment... Ouais. Mais bon... Au pire, on fait l'épisode en fiction audio, nous. Hein. On fait une bonne idée. Ah bah oui. Bah oui. Moi, je suis un peu pessimiste. Enfin, je sais pas ce qu'on peut finir là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce projet est définitivement enterré ou est-ce qu'il peut ressurgir, sortir de terre, tel un vampire? Non, moi je pense que ce projet avec Chloé Zhao est mort. Mais je n'exclus pas le fait que peut-être dans quelques années, il y aura de nouveau une discussion sur un nouveau projet de faire revivre la série, mais qui n'aura rien à voir avec ce projet-là. Moi, c'est ça que je crois. Oui, c'est ça. On nous demande aussi si ça peut être repris par une autre boîte, le projet. Le problème, c'est que les droits de Buffy, ça appartient à Disney. Enfin, ça appartient à Fox, acheté par Disney, tout ça. En gros, c'est Disney. Que justement le choix de Hulu comme diffuseur, c'était parce que Hulu aussi appartient à Disney. Donc ça ne peut pas sortir du cadre de Disney. Ça ne peut pas être racheté par quelqu'un d'autre. Enfin, il faudrait que Disney soit d'accord. Mais je vois pas pourquoi il lâcherait une grosse marque comme ça à la concurrence. Donc ouais, comme le dit Big Game, oui, moi le seul moyen que ça reprenne, c'est avec d'autres personnes, une autre équipe artistique, parce que vraisemblablement avec celle-là, ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais et sinon, du coup, pour conclure, après lecture de l'épisode, vous seriez hypé de le voir, de voir une série autour de cet épisode hypothétique ou vous dites totalement. Bon, totalement, totalement. Alors moi, je suis très preneur de toute nouveauté qui touche à Buffy. Que ce soit bon ou mauvais, au final, je suis déjà d'une, je suis prêt à laisser une chance à un nouveau projet. Mais en plus, moi j'ai souvent lu sur les internets des gens qui disaient, notamment en ayant lu ce script, pour moi ça gâche la fin de la série originale ou ça gâche la série originale. Alors que moi, je vois pas ça du tout comme ça, même si on suppose que la nouvelle série soit très mauvaise. On admet que c'est un truc vraiment très mauvais, une grosse merde réalisée par Chloé Zhao au hasard. Et tu l'aimes pas du tout. Pour moi, même si ça, c'est le cas, la série originale, ça ne lui enlève rien, en fait. Non. Elle existe en tant que telle. La série originale ne peut pas rétroactivement devenir mauvaise parce que les choses qu'on fait aujourd'hui sont mauvaises. Voilà, donc exactement. Oui, je serai hypé dans tous les cas. Voilà, juste pour avoir, comme Sartman le disait avant, toutes les semaines, parler d'un nouvel épisode, en débattre avec les copains, même si c'est pour dire, ouais, l'épisode était vraiment naze. Mais au moins, on en parle et on a de l'actu autour du truc, quoi. Ouais. Ouais, et puis au final, le scénario, moi, m'a plutôt plu. Il y avait des défauts, évidemment. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais je l'ai trouvé vachement mieux que ce que j'avais envisagé quand j'avais imaginé un reboot, remake, suite de la série. Donc, moi, j'étais plutôt hypé aussi, finalement. Moi, le scénario m'a donné envie de voir. Moi aussi. Comme je l'ai dit, ça m'a saoulé, toutes ces grosses références appuyées à la série originale m'ont un petit peu ennuyé, mais comme j'ai dit aussi, et comme vous m'avez convaincu hein, pendant cet épisode, il faut avouer que c'est vachement bien écrit, vachement bien fait, et que cette petite Nova, on a envie de la voir de vampire, quoi, parce qu'elle a l'air super, et sa petite équipe aussi, donc oui, J'aurais bien aimé, tant pis. Merci en tout cas. Ouais, merci à tous d'avoir été merci là le chat. Merci le chat. Merci les auditeurs. Et puis des gros on bisous. Va vous quitter sur ce et on va vous retrouver. Ouais. Donc on peut le dire, on va début mai. Le prochain podcast, c'est début mai. On n'a pas encore la date précise. Non le 2. Ah oui, on sait que ça sera le 2. Y a deux dates en débat. Ça peut être le 1 aussi. Enfin, je sais pas. On ne sait pas, mais ça sera le 1 ou le 2 mai. Connaissant l'invité, ce sera plutôt le 2, je pense. Ah oui, ok. Ok. Moi, mes amis, je dois déconnecter, donc je vous fais des gros bisous. Eh ben, des gros bisous. Gros bisous au chat. Gros bisous. Et à vous. Bisous. Et on fait des gros bisous au chat et on vous dit à très très vite. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous. Rejoignez-nous sur Discord et mettez des commentaires, des pouces, des likes et tout ça. Oui. Salut.